Indestar. Bonsoir et bienvenue sur Indestar. Il est 21h. Ouais. Une. Il est lundi. Oui. Et ça a été solide. C'est l'histoire d'un loup et d'une poule. Oui, blabla, le loup rentre dans le poulailler, mange le grain de la poule, il s'étouffe, la poule veut le sauver en passant par son derrière, elle reste coincée à l'intérieur et ça fait le loup-poule. Ah, tu connais l'histoire? Bien sûr, moi aussi j'écoute ActuSolite. 2 heures de grand n'importe quoi, c'est ActuSolite. Maintenant sur Indestar, bienvenue. Allez, viens, on est bien. C'est vrai? J'avoue qu'on est bien. C'est vrai, on est pas mal. On est hein. Bien. Comme tous les lundis soirs, 21h-23h, c'est ActuSolite sur Indestar. Bien le bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Oh mais ils sont nombreux, on est nombreux ce soir. Ouais, vas-y, je me casse. Plus que la semaine dernière. C'était plus c'est calme. Sûr. Vous êtes senti seul la semaine dernière? Oui, un peu. Absolument ouais. Pas. Pas du absolument tout. Pas. J'étais bien. Comment va Teddy? Bien. C'est vrai? Ouais. T'as passé une bonne semaine? Tranquille. C'est vrai? Ouais. Tranquille, genre moins de pain, plus de brioche? On va dire ça. Ouais, plus de brillage, je le vois. Je le vois dans son bas-ventre. Jolan, ça va toujours? Toujours. Ouais, il est sur son portable, Jolan. Oh, c'est un geek, ouais. 24h/24. Tu joues à Pokémon Go? Non. Ouais, mais il n'y a pas de Pikachu dans le studio. Je suis sur Snapchat, je joue pas Pokémon Snapchat, Go. Ah, la belle application. Qui voilà. Permet de communiquer avec ses proches. C'est ça. Ouais, parce qu'on communique pas assez déjà avec le téléphone. Ouais, mais c'est un inconvénient. Messenger. Il rajoute des difficultés comparé au Messenger classique. En gros, quand t'envoies un message, bah, il disparaît juste après. Oui. Tu du coup, tu peux pas suivre le fil de conversation. Ok, ça sert à quoi? À rien. Eh ben, à faire chier les Alzheimer. Non mais c'est fou ça. Non mais il y a sûrement une raison. Non mais si, c'est très pratique pour, comment dire, par exemple, les photos un peu compromettantes, tu les envoies ou quand et ou paf, ça disparaît. Ou quand t'es, quand t'es dealer, voilà, tu envoies des trucs et puis... Oui voilà, tout disparaît, il n'y a aucune trace. Tu peux l'enregistrer. D'accord. Hein. Ouais, alors, si tu enregistres, la personne à qui tu as enregistré le message le voit. Mais pourquoi tu n'as pas le droit de choisir? Tu n'as pas le droit de choisir de combien de temps ça reste? Si, j'ai vu tu ça. Tu peux augmenter un petit peu, mais en théorie, ça reste pas longtemps quand même. Si, tu peux genre 24 heures, un truc comme ça. Ouais, bah, pas longtemps. Mais pas à vie, quoi. C'est pas quelque chose de bon. Ok, très bien. Bon, on commence par un débat sur Snapchat. Hein. Il s'en fout royal, hein, Jolan. Il est mais dans le truc. Il essaie de pécho pour la Saint-Valentin. Ouais, ah, ouais. Bah oui, bah couille-toi. Hein, les... ça arrive vite. On est le combien? On est le 10 février aujourd'hui. Ouais. Oh putain, dans 4 jours. Pardon. Dans 4 jours, c'est la Saint-Valentin. Ah là là là là là. Non? Et tu t'as prévu quoi, Jolan, pour la Saint-Valentin, toi? Netflix. Netflix. Ouais, bah, j'ai des émissions le soir aussi, donc. Attention avec Netflix, hein, parce que ils vont te sortir la série, tu sais où tu vas pleurer. C'est spécial Saint-Valentin, tu sais, c'est comme Noël quand t'es tout seul, t'as le truc. Je vais pas me faire chialer, moi. Et ben Anaïs le fait avec Jojo. Moi, je fais une soirée glace Netflix. Attends, tu vois, parfait. J'achète un deuxième pot de glace. Ils sont tous en couple avec Netflix. Ouais, ouais. Ça. Et toi, Teddy, soirée Saint-Valentin? Ouais, j'y ai pas réfléchi encore. J'y ai pas réfléchi. Bah non, mais en même temps, on a 4 jours devant nous. Ouais, c'est loin. Exactement. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose. Et puis de toute façon, on sera pas en soirée. Bah non. Parce qu'en soirée, on sera sur Krypton. Ah ouais. Oui, vendredi, évidemment. Et sur Vita Conso aussi. Et Vita Conso. Alors, justement, avant de faire le tour de l'équipe, ouais. Vendredi, ça devait être la première de Vita Conso et de Krypton. Ouais. Seulement. Ils nous ont pondu une panne internet dans tout le secteur, hein. C'était pas seulement chez nous à Indestar, hein. C'était vraiment dans tout le secteur, 6000 habitations coupées d'électricité. C'est ça. Enfin d'électricité, de connexion internet en tout cas. Dont nous, donc bah, malheureusement vendredi soir, si vous avez voulu écouter Indestar, c'était un petit peu compliqué. Alors ça s'est rétabli dans la soirée. Parce c'est que du coup Gaëlan est venu, etc. Il m'a dit ouais, je vais faire une émission podcast et tout. J'ai dit, allez, vas-y, fais-le à la radio comme si on émettait. Et puis à un moment donné, boum, ça s'est remis à fonctionner. Donc vous avez pu écouter la fin de l'émission mais pas le début. Alors promis, vous avez le podcast qui est disponible, hein, sur les différentes plateformes, notamment sur le site internet. Et puis sinon, à partir de vendredi 20h30, vous avez Vita Conso, on va parler débat consommation, et à 22h, ce sera Krypton pour la vraie première en direct. Si le temps te permet, et c'est la tempête là, comment ouais, ça s'appelle ouais, Clara, c'est ça Chiara. Chiara. Ouais. Ouais. C'est un nom de merde. Bon. Bah, il y a bien une tempête, pardon, qui s'appelle Amélie. Oui, donc mais c'est là, oui, non, elle est déjà passée. Enfin, quoi que non. Elle est à côté elle de est toi. À côté. Elle est toujours présente. Elle. Par contre, la tempête est vraiment passée dans ses cheveux. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Non, il y a des palmiers qui ont poussé dans les cheveux d'Amélie. Très belle coupe. Dommage, vous ne pouvez pas voir sur la caméra. Comment va Amélie d'ailleurs? Yes, bien. Good. Bien, good. Ah bah, elle est bilingue maintenant. En une semaine, elle a appris l'anglais. T'as un collègue anglais, c'est ça? Yes, of course. Of course, ouais. En Corse. En Corse. Yes, en Corse. Et Anaïs? Ça va? Ouais, c'est vrai. Et tu sais que j'écoutais un petit peu l'émission la semaine dernière. Oui. Et bah, je t'entendais vachement. Bah, Fallait bien. Bah, on n'était pas là aussi. Mais c'est vrai qu'on n'était pas là. Mais c'était cool, hein. J'ai bien aimé. Ouais. Parle-t'en ce soir. Ouais. C'est un vœu. Ok. Parce que mon vœu sera exaucé. Bah, commence à la fermer. Bah oui, non, mais. J'avoue, ce serait mieux là. Et t'as passé une bonne semaine ? Trop. Ça va. C'est vrai. T'as pris quoi de beau ? Qu'est-ce qui t'est arrivé de ouf ? Attends, je sais pas. Rien. C'est vrai ? Pas de choses de. Non, tranquille, tu vois. Si, on n'a pas fait un truc samedi soir. On a été au resto. Ouais. Yes. Ouais. D'ailleurs, comme resto. L'essentiel grill à Chambray. Ah, Chambray et tout, région centre-val de Loire. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport au resto chinois. Bah, j'ai sorti une blague de merde par rapport au coronavirus. Non, t'as pas fait ça au resto chinois. Mais alors qu'il y avait la serveuse avait regardé de travers. Mais non, mais faut pas. Non, mais arrêtez, parce qu'en vrai, si vous avez des origines chinoises. Antoine, il m'a dit, mais t'es con, il y avait la serveuse. Bah oui, je elle était bien. En vrai, il y a un vrai truc, tu vois. Moi, j'étais bien joué. Mais non, pas du tout. J'avoue que j'ai fait un truc une fois au restaurant chinois sans m'en rendre compte. C'était au. Comment ? Au moment de payer, tu vois. Ouais. Et je sors ma carte bancaire, etc. Et la carte bancaire met une plombe, tu vois, à faire le virement. Et là, il dit, oh, c'est sans doute une Made in China. Non, non, j'ai pas fait ça, mais j'ai fait, putain, on dirait que le truc, ça vient de Chine. Enfin, que ça envoyait en Chine ou un truc comme ça. Enfin, tu vois. Et là, je regarde, une copine, elle me fait, mais en fait, on est dans un restaurant chinois. Ah, putain. Et je regarde la serveuse. Eh hey, bonjour. Bon, c'est un petit moment malaisant de la vie que vous voulez. Ouais. Mais non, mais il faut faire gaffe en vrai parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement en ce moment. Sur les Asiates, ouais, les pauvres. Ouais, c'est clair. Alors que ouais, le coronavirus, il est en Chine. Hein, il est en France maintenant. Bah, et maintenant, il est un petit peu partout malheureusement, mais bon, voilà. Dois-je te rappeler qu'on a Antoine aussi avec nous? Mais ouais. Oui, mais j'allais. Ah, mais il est pas Antoine, chinois lui, on s'en fout. Je garde le meilleur pour la fin. Ouais, bah non, le meilleur alors, c'est qu'il parle on pas on du tout. Là, on s'arrête là, on l'entend. Non, mais on l'entend pas. Non, mais attends, hé, Amel, je me suis pas présenté encore. Oh merde. Oh mince. Alors Antoine. On t'entend pas. De toute manière, il peut se présenter autant qu'il veut. Hein. On ne t'entend pas. Vas-y, toi. Présente-toi. Voilà, c'est bon. Alors on a fait Antoine. C'était génial. Non, mais de toute façon, on l'entend pas, donc c'est ça qui est bien. Ouais. Peut-être que ça. Si, c'est bon, on m'entend. Ah bah voilà, Antoine qui était. Il suffit de piquer un micro. Il est toujours là. Ouais, bah tu postes qu'il vienne pas dessus. Est-ce que ça s'est bien passé ta semaine, Antoine? Oui. C'est vrai? Ouais. Merci Antoine. C'était un plaisir. Bon. Bah, en l'allumant, ça marche mieux en fait. Je peux qu'il est con. Bon, dans Actu Solite cette semaine, il va se passer plein de choses. Ouais. On a bien sûr le multi-quiz. Donc, ça, c'est dans un instant. C'est ça. On va reprendre les ardoises, des stylos. On a à chaque fois des. Une question avec trois propositions de réponses. Voilà, alors des questions sur l'actualité, hein, actualité ça, insolite de la semaine, avec trois propositions de réponses. Et il faut faire quoi pour gagner, Anaïs? Et bah, faut écrire la bonne réponse. Ouais. Sans la savoir. Effectivement, faut deviner la bonne réponse. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait alors, si on est vraiment pas doué. Si imagine, on est Jolane, par exemple, tu vois. Et bah, les quatre perdants feront un record. Pourquoi moi, tu dis ça? T'as un bon exemple du cas typique de mec qui perd, tu vois. J'avoue que la semaine dernière, on n'a pas été très fort. T'as un bon exemple de perdant dans ta vie. Ok, on n'ira pas jusque là. Je vais couper mon micro. J'ai pas aussi été méchant. J'ai pas été aussi méchant dans le bon ordre. Trop violent. Bon, il faut 4 perdants. Donc, on a des risques effectivement de faire le record que nous a préparé Amel tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner un indice sur ce record, Amel? Non. Merci Amel. Voilà. J'ai pas envie. Je sais qu'il sera sportif. Record sportif. Non, non, absolument pas du tout. Ouais, bon. Ah si, mais ça va être dur. Non mais c'est trop tard. Ok. Ça va être dur. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un record qui sera battu dans les studios. Ce record, on le filmera et on vous le mettra sur les réseaux sociaux, page Facebook, à découvrir bientôt sur la page Indestar. Autre chose, ce soir, la chanson qu'on vous a préparée. Qui est faite depuis 15 jours. Qui est faite depuis 15 jours, on l'a travaillée. C'est faux, pas tellement, mais. Surtout, j'espère que vous avez pris une pause. Vous avez fait une sieste parce que la chanson, elle est tellement longue. Et mais tellement. Oh, mais ça va. Oh là là. J'ai des enfants chiens. Voilà, ça va être ce rythme-là. Oui, c'est ça. Et encore, c'est un peu plus long. Effectivement. Et c'est sur la base de Quand j'étais chanteur, c'est ça de Michel Delpech. Michel Delpech. Il se Delpech pas trop. Non, mais nous, on a toujours la banane. Par contre, non, ça c'est Renault. Ouais. Toujours vivant. Ouais. Mais, ta bonjour, c'est Renault, le chanteur énervant sur Indestar. Bon, on a quoi d'autre ce soir? Bien sûr, le mode de vie. Oui, mode de vie insolite. Mode de vie. Manifestation insolite. Une histoire. une histoire. Raconte-moi une histoire. Plus ou moins grosse, on verra. Tu n'as pas cité l'objet mystère. Et aussi. Le top objet, bien évidemment. Objet à découvrir mystère. Que vous pouvez d'ores et déjà essayer de deviner sur la page Facebook ouais. d'Indestar. Vous avez le choix, vous avez deux votes. Enfin, deux votes. Ouais. Vous avez deux choix possibles. Vous avez un vote possible. Et vous votez pour l'objet qui correspond à ce que vous pensez que c'est. Dans tous les cas, c'est un pistolet. Vous pensez que c'est. Oui. C'est vachement proche. Je me suis posé la question en le disant, tu vois. C'est compréhensible. Ça va, en vrai, ça passe. Tu veux les deux propositions ? Ah ouais, je veux bien. C'est quoi cet objet ? La petite A, c'est la réponse pistolet à condiments. Et le petit B, c'est un pistobule. Donc, soit il fait des bulles, soit on y met des condiments dedans. C'est ça. Ouais. Soit on voit du ketchup, soit on voit des bulles. D'accord. Au choix. Ok, bah vous choisissez. On fera le vote tout à l'heure, on le découvrira. Et puis bien sûr, tous les autres objets à découvrir en direct si vous êtes sur indestar.fr en visuel. Voilà pour ce qui est de programme de ce soir dans Actu Solide. Non, bien sûr. Non, ils peuvent aussi nous appeler aussi. Mais évidemment. Le téléphone marche normalement. Mais oui, si j'allume le truc, ouais. Ça fonctionne. Alors, non, numéro... il est allumé déjà. Ouais. Anaïs, dis-nous, on peut nous appeler ? Alors, on peut nous appeler par téléphone. Alors, ouais, et on peut vous appeler, on peut nous appeler soit de chez vous, soit de la voiture, soit du lit, soit non, du métro. Non, la voiture, c'est dangereux. Évitez la voiture. Bah, pas si t'as en tout cas, rien Bluetooth. Dans les mains. Et si ça, tu conduis rien pas dans les mains et... Et sans les mains. Ouais, mais si t'es en voiture, forcément... Bah non, si t'es en voiture, tu peux ne pas conduire. Entre deux feux rouges, là, vous nous appelez. Bah oui, t'as l'arrière, il a raison. Bah ouais. Tu peux être dans le coffre, tu vois. Tu peux être dans une voiture allez, sans conduire. Ou à l'arrière. Appelez-nous. N'appelez pas la police. Appelez une des stars. Si vous êtes dans le coffre, vous passerez un bon moment. Bon, mais les vos ravisseurs aussi. Mais si on non écoutait de la musique là. On fait comment pour nous appeler parce qu'on n'a pas donné le numéro? Alors on prend le téléphone et on tape le 09 70 407 306. Tu disais le 09 70 407 306. Ça coûte cher. Attends, il est en train de jouer avec ma queue là, c'est relou. Heureusement, t'es une fille. On a une fille petite. Non, c'est gratuit. C'est un appel gratuit. C'est un appel gratuit. Quoi ? Qui joue avec ta queue ? Et gratuitement en plus. Parce que Jolaine, il dit, mais moi j'aimerais bien. Ouais, non. Tu trouveras pas trop grand chose. Bon. Hein ? T'as changé de bord, tu peux la gifler si tu veux. Ah, ouais, tu fais la transition. Non, j'essaye. Avec la musique qu'on va écouter. Ouais. Puisque voici Gifla sur Insta. C'est dingue, on commence toutes nos émissions avec Gifla. Est-ce que tu es ma vilaine ? Oh non. Lui en tout cas il est vilain. Peut-être ta vilaine. Are you my vilaine ? C'est le titre de la chanson qu'on va écouter. On essaye de faire des transitions, mais c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident d'avoir un truc intelligent. Mais surtout avec Gifla là, moi je dis toujours bah vas-y Gifla. Je peux la Gifla alors. Toujours. On essaye d'être intelligent dans Actu Solide, mais c'est encore moins évident. Non. C'est clair. Les initiatives les plus originales, les expériences les plus loufoques. C'est Actu Solide sur Indestar. Tout à fait, madame, comme tous les lundis soirs, nous sommes ensemble. Il parle à Sandra. Je parle à Sandra. Ah oui. Voilà, parce que des couvertures. Sandra, des couvertures évidemment. La France, maman. Ah là là, blague de CM2. Mais en même temps, j'aurais pu la faire. Ah oui, bah oui. Évidemment, parce que je suis toujours en CM1, c'est normal. J'ai redoublé et c'est pour ça que j'ai une ardoise. Oh, t'es tombé dans comme on a, comme on a à l'école primaire. Non, hein, pour normalement, c'est de multiplication, tout ça. Ah, non, on n'est pas au Moyen Âge. Ouais, on peut maintenant. C'est là, t'as son numérique. Avec ouais, c'est cool. Voilà, nous on a l'entre-deux, on a le Velleda. Velleda. On est au moment où on multiplie. Non. Non. Mais au moment où on fait du multi-quiz. C'est ça, c'est voilà, mieux. Voilà, c'est pareil. Ouais, parce que si on fait des multiplications, on les perd tous là. Alors, vous t'as savez. Oui, bien sûr. Ne nous fais pas la blague vous comme quoi savez. T'es vachement rapide au calcul mental et tout. On t'en posait une et tu te rates, ok. Vas-y, je la fais. Ah, violent. On fait, je l'ai jamais fait. D'accord. Vous faites tous les étonnés. Eh, vous savez que moi, je suis vachement rapide en calcul mental. Hein. Ah ouais. Un bon. Ouais, vas-y, posez-moi un truc super difficile. 470 fois 3,775. 634. Ah ben c'est fou. Ouais, mais c'est rapide. Voilà ce que je voulais éviter. Da da da da da. Bon, alors faites. Ça y est, un quiz. Et un peu Jo, il commence. Alors, vous savez que depuis le mois de janvier, on se contente pas de faire simplement des questions avec des réponses, etc. On invite des personnages pour compléter un petit peu, faire en sorte que les questions soient plus pertinentes. Exactement, plus de fantaisie. Merci. Jolan ne ramène jamais personne, et ça lui a déjà arrivé. Un petit chinois. Mais aujourd'hui, il est venu seul. Oui, il est mort. Alors, tu as une question pour nous, Jolan. Non, j'ai eu des nouvelles de Tang, il va bien, il a pas le coronavirus. Ah bon, moi, Soussou va bien. Ouais, faut arrêter avec ça, hein. Les pauvres. Je sais pas, t'es dit que t'en as perdu, du coup, je suis obligé de. Non, mais les pauvres. Alors, ça se passe dans l'île et vilaine. Ouais, comme Gifla. Are you my vilaine? C'est ça. Pardon. Elle est japonaise, en plus, elle vit sur une île. Oui. Un homme de. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Un homme de 50 ans, comment pourrais-je prononcer ça, il est rentré dans un lampadaire, mais selon vous, quelle est la cause de cet accident? Il avait une meuf à poil. Non, conduite sous l'emprise de l'alcool. Petit B, a pris une crise d'éternuement. Petit C, en voulant éviter un lapin. Tu en sais voulant que... éviter quoi? Un lapin. Un lapin? Ouais. Il habite où? L'Ille-et-Vilaine. Il n'y a pas de lapin là-bas. Non, il dirait qu'il n'y a pas de lapin. Il y a des lapins partout. Pour moi, le côté alcool, c'est un peu trop facile. Ouais. Voilà, donc le lapin, il n'y a pas de lapin. Non, c'est, j'en sais rien. Ça pourrait être des lapins. Il y a des vaches. Et moi, j'ai... Ouais, on est beaucoup de baies. On est tous des baies. Vous n'êtes pas si con que ça. Vous avez tous bon. Non, mais attends, on en a parlé dans la voiture. Oui, on a parlé dans la voiture, espèce de boulet. C'est peut-être pour ça. Je veux dire, j'ai rien dit. Mais si tu nous en parles dans la voiture, on sait bien que ce soit ça. Bon, moi, j'étais pas dans la voiture. J'étais pas du tout français, en tout cas. Okay. Bon, ok. Qui a ramené quelqu'un là? Moi. Ah, j'ai un invité. Il est d'où? J'ai mon correspondant mexicain qui s'appelle Pesos. Il est d'où? Du Mexique. Non, mais il est d'où? Tu t'as, genre t'as testé? Il est. Il est. Bah, il est mexicain donc oui. Genre est-ce qu'il est pas dur? Ils sont un peu comme les Portugais. Bref. Sans doute. Beaucoup de poils. Oui. Alors on ramène. Comment il s'appelle? Pesos. Pesos. Ramenez Pesos. Hey. Hey, c'est l'Unita. Rima. Pesos, buongiorno. Non, c'est italien, mais on s'en fout. Bonjour. Pesos, vous avez fait bon voyage? Yeah. Il parle allemand, le mexicain, maintenant. Mec, c'est pas grave. J'ai un peu de mal avec le français. Ouais, je comprends. Vous êtes polyglotte, mais pas trop français. Yeah. Alors, vous avez une question pour nous, alors? Oui. Que vous avez écrit en français, quand même. Oui, Aliba. Bon, Aliba. Ok, allons-y. Moi? Oui. Fabrique tacos. Oui, bah c'est étonnant. Tacos très cher. Oui. Avec viande Kobe. Oui. De bœuf, meu. Meu? Oui, meu. Le bœuf, ça fait meu. Ah oui, c'est le... Ah, de... oui, meu, oui. De la langouste. La langouste et, ouais, il y a. Oui. De caviar de beluga. Ah bah oui, carrément, ça c'est russe, ça. Oui, peut-être. Du caviar d'aubergine, peut-être. Ça coûte cher. Oui, beaucoup bah, de pesos. Oui, on est d'accord. De la truffe noire. La truffe, ouais. Et de la blanche. De la blanche. Ouais. Le truffe est où? Le tout emballé dans de la... Dans de l'or. Dans de l'or, de oui. L'or. Yeah. J'ai pas compris le début de la question, par contre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ingrédients complexes, mais c'est enfin de très cher. Moi, fabrique tacos. Ah oui, c'est... Ah oui, le prix du tacos, non? Que vous avez me posé comme question. Oh, yeah. Il l'a pas encore dit, je crois. Ouais. Yeah. Ah, le prix du tacos. Le prix de tacos. Ouais. Ouais. Aliba. Ouais, Aliba. Riba, Riba. Alibaba, il faut pour le payer. Alibaba. Oui. Non, pas Alibaba. Ok. Alors, trois propositions. 450 €. Ouais. Non. Euro, enfin, 9 550 €, mmh. Ou 7 000 €. Ah oui, tu montes, tu descends et tu remontes. Ah oui, non mais c'est... Je suis mexicain. C'est je... comme ça en Mexique. Là, c'est dur. Je sais a, pas ce que je On a pas veux. Les quantités. Ah mais... Ouais, ça se va pas encore. Non. Kebab. Oui, mais après t'as le... Quantité kebab. Quantité kebab. Ouais, mais après ça dépend le carat en or, tout ça. C'est ouais. Pas toi qui choisis. Genre. Alors... Feuille d'or. Non mais l'autre il croit s'y connaître. On a de la réponse B. Alors Antoine a mis B comme Jolan, tu vas perdre. Oui. Au passage, l'or ça se compte pas en carat. Hein. Bon. Non. Ça, non. Voilà. Non, c'est. Réponse C pour moi, t'as mis quoi? Oh. On a du C et du B. Oh. Eh ben c'est là, c'est Aliba. Yes. C'est... Oh. Voilà. Pourquoi j'ai mis pareil que Jolan? 7 000 €. 450 000 pesos. Non, j'en sais rien, j'ai pas calculé en pesos. Ça fait beaucoup de pesos en tout ouais. cas. Trop pour vous. Peut-être. Vous pouvez fabriquer, mais vous pouvez pas les J'en manger. Ai vendu qu'un seul. Ah bah oui. Par contre, j'espère que vous achetez pas à l'avance la nourriture parce que sinon ça doit pas ah se Ah non, non. Ça doit pas se conserver. J'en ai vendu qu'un seul lors d'une vente aux enchères. Ouais. Mais le monsieur. Ça, il a un autre accent. C'est fou, on fait le tour du monde. Et le monsieur ne l'a même pas mangé. Aliba, il l'a partagé en deux. Il l'a offert. Non, pas des chihuahuas. Non, à deux de ses amis. D'accord. Speedy et je sais plus qui. Et Gonzalez. Sans doute. Okay. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement rien que pour nous ce soir. Yeah. C'est cool, vous écoutez Indestar là-bas au Mexique? Ah, y a pas la radio, Indestar. Ah, y a pas la radio. Mais on peut essayer de bricoler quelque chose avec un tacos. Y a pas internet au Mexique. Un tacos internet, ouais. Ouais, ouais. Ça doit être faisable. Ok, on compte sur vous alors. Merci. À la prochaine. Yo. Arriba. Arriba. Ok, bon. Oh là là là là. Il est bizarre ce mexicain. Bah c'est surtout qu'à la fin il y avait plus d'accent. Je sais pas, il parle de toutes les langues en plus. Il y avait un accent mais c'était plus le même. Non, la fin il y en avait clean. Antoine, est-ce que tu nous as ramené quelqu'un ce soir ? Il a dû passer la frontière. Non, ok, alors viens toi-même, viens comme tu es. Il a fait un go fast en France. Je suis comme je suis. Alors vas-y. Moi ça se passe aux États-Unis. D'accord. Alors il y a une gagnante, elle a gagné 100 000 $ à la loterie. Ouais. Soit près de 90 000 euros. Mmh. En se basant sur quelque chose. Bon, en se basant sur quoi ? Petit A. Ah, pour gagner, tu veux attends, dire attends. Ouais. Pour les chiffres. Attends, tu peux me la répéter celle-là ? Les chiffres surtout ? Oui, c'est pour les chiffres, ouais, si tu veux. Elle a gagné 90 000 euros. Ouais, elle a gagné. Ouais, et en dollars, t'as ça dit fait 100 000. 100 000, mais ça n'a rien à voir avec la. Alors c'est l'inverse. Ah ouais ? Tu crois ? Non, c'est 100 000. Non. L'euro, il vaut plus cher que le dollar. Non, c'est l'inverse. C'est le dollar qui vaut plus cher. Non. Si. Non, si, ça. Peut dire que. Ce que tu veux. Je sais pas. Le dollar, ça vaut plus cher. Bon, dites-le nous sur la page Facebook. Le dollar, ça valait plus cher il y a 10 ans. Ah bah, il y a 10 ans. Ah oui, non. Faut se mettre à jour. Ah bah, je sais pas. L'euro vaut plus cher. D'accord. Revalorisation de notre monnaie. Ah, mais du coup, ça correspond. Bon, on s'en fout. Donc, Antoine, oui. Pour ces chiffres, elle s'est basée sur quelque chose. Ouais. Alors, petit A, sur son enfant. Petit. C'est-à-dire sur son enfant. Bah, en gros, elle a demandé à son enfant de dire des chiffres et son enfant a dit des chiffres. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais. Petit 2, sur un rêve. On est passé de petit A à petit 2. Oui. Petit Y. Et petit 3. Oui. Sur le nombre d'abonnements que fait son chien par semaine. Son nombre d'abonnements ? D'abonnements. D'abonnements. Ah, parce que moi je me suis dit, ah, ouais, il s'est aussi. T'as abonné à People Magazine. Toutes les semaines il s'abonne à quelque chose. Pau petit chihuahua. Alors, au hasard, j'ai mis la réponse B. Il y a de la réponse C, la réponse 1. Ouais. Ils ont un peu le même pute ces trucs. Moi non plus. Alors, quelle était la bonne réponse ? C'est la réponse B. La ouh réponse non, c'est B. Faux. Ouais. Quoi, elle a rêvé des chiffres et les chiffres sont trompés. D'accord, ok. Elle a gagné ? Ouais, je me suis dit, ouais, c'est potentiellement faisable le coup du rêve. Ouais. Ok. C'était assez complexe à comprendre ton histoire. Pour l'instant. Ouais, c'est surtout ça. Oui. C'est Antoine qui est complexe à comprendre. C'est Antoine qui est complexe. Pas l'histoire. Arrêtez d'être complexé après. Anaïs, ouais, pas mal. Est-ce que l'on a quelqu'un ou pas ? Non. D'accord. Pas aujourd'hui. Alors, dis-nous. Alors, à Paris, il y a une Bugatti de type 55 Roadster. Roadster. Merci. T'as essayé l'accent ? Heureusement Roadster. Qu'elle n'a pas dit roasté ou... roasté, ouais. Roadster. C'est-à-dire que Roadster. C'est une cabriolet. Roadster. De 1931. Ouais. Elle a été pilotée par Guy Bourriat et Louis Chiron. Ça fait très américain. Au 24 Chiron. Heures du Mans de Chiron, 1931. La... C'est bon, t'as fini ? Comme la Bugatti, Chiron. Elle a été vendue... Non, comme le... Le chouchi. Le chouchi. C'est toi qui as des chouchis. Non, j'allais dire des churros. T'as Chiron le mage aussi, mais bon. Si tu veux. Donc bref. Non, mais et c'est important de le préciser parce qu'on a fait starter tout à l'heure, mais il y a une Bugatti qui s'appelle la Chiron, en hommage justement à ce pilote de Bugatti des années 30. Bah écoute, c'est pas le cas. Donc elle a été pilotée aux 24 heures du Mans. Oui, à l'époque. Donc elle a été vendue le week-end dernier. Mm-hmm. Et donc c'est un record de la vente aux enchères organisée par la maison Bonham au Grand Palais. Mais à combien elle était vendue ? Cher. À 3 250 000, 4 200 000 ou 4 600 000 ? Ouais, c'est pas autant que ma Ferrari GTO qui a été vendue à 84 millions d'euros. Enfin bref. De manière dans le doute avec Anaïs. C'est la B ou la C ? Quoi ? Ah, Jolan a mis la B, j'aurais mis la B aussi. Ah, mais la C. Ah, merde. Suis-moi, mais non, allez, pour une fois, je me dis que Jolan peut avoir raison. Mais non, mais c'est faisable, en vrai, ça n'est jamais arrivé, mais c'est faisable. J'ai mis la réponse... Oh, regarde, il est dépité. J'ai mis la réponse B. Et bah, t'aurais dû mettre la C. Oh, là, là. Bon. Règle numéro 1, ne jamais suivre Jolan dans ses réponses. Je le sais. Tu m'as dit, ouais, mais ça contredit notre règle que pour toi c'est toujours la réponse 2 qui t'emmène. En cas de doute, mettre la réponse 2. Oh, t'es un mytho. Non. Des fois je mets la A. Ouais, des fois. Bon. Ou la C. Ouais, des fois. Justement, je mets plus la B. La D. Bah oui, voilà. C'est maintenant, trop simple. Elle me dit, je mets plus la B. Il me semble que nous avons une des personne perdants. Que tu nous as ramené aussi, Amélie, tout à l'heure, qui était en train de vider la fontaine à eau du studio. On a une petite fontaine à eau et on a encore plus d'eau parce qu'elle a bu toute l'eau. Comment s'appelle-t-il ? Rouliette. En fait, comment s'appelle-t-elle ? Juliette. C'est elle est espagnole, c'est Juliette. Non, mais en fait, c'est qu'elle essaie, veut être anonyme en fait. Ah, bah du coup, c'est anonyme alors. Par contre, je vous préviens, l'air un peu teubé. Ouais. Faut pas lui en puis elle s'appelle Juliette en fait, c'est juste qu'elle est espagnole. Mais non, c'est qu'en fait, elle veut s'appeler Rouliette. Parce que du coup, en fait, elle a gagné au casino. Ouais. À la roulette. Et du coup, ça lui fait penser à la roue. Du coup, elle a décidé de s'appeler Rouliette. Ah, bah oui, c'est intelligent quand même. Bah oui. Bon, bah on accueille Rouliette. Allez Rouliette. Rouliette. Roule ma poule ponche. Bonsoir Rouliette. Bonsoir Rouliette. Un peu d'applaudissements s'il vous plaît. Ah bah ouais. Clap clap clap clap. Faut pas pourquoi abuser. J'arrive quand même. Ouais. Steak. Ouais. Alors voilà. Non mais il est toujours long ce directeur. Tout le temps. Encore là il est vachement rapide. Quel plaît. Alors attends, on arrive. Alléluia putain. Ah mais ils étaient loin le public. On me demande de venir. Okay. Je vais partir en Chine, heureusement que ça a été refusé, non. Mais quand même. Alors, Rouliette, vous êtes... Oh là là, c'est insupportable. Rouliette, vous êtes venue nous poser une question dans Actu Solite. Déjà, est-ce que je peux me permettre de vous demander d'où vous venez? Non. Je fais quand même. T'es con quoi, je t'ai demandé d'être anonyme. Mais vous pouvez donner un indice. Non. Une zone géographique. Non. Elle n'a pas d'accent. Vous pouvez donner un pays en vrai, hein, c'est pas très ouf. Ouais. Eh ben si, t'as été dit de rester anonyme, connard. Oui, mais rester anonyme, ça veut dire que tu peux être anonyme dans ton pays. On me filme partout. Bon. Alors, pour Rouliette, on va pas vous en demander plus. Hein. Quelle est votre question? Ma question. Ouais. Il est con, non, lui. Quelle est la réponse? Ouais, réponse. Quelle est votre réponse? Il est con, lui. Non, c'est question. Alors? Oui, oui. Alors j'ai gagné au casino d'ici peu. Désolée, j'ai pas pensé parler français. Hein. D'ici peu, ça. D'ici non, peu, elle a pas encore gagné. Ça, c'est dans le futur, meuf. Vous avez donné un indice, vous n'êtes pas française. Je sais pas d'où je viens. Alors vous avez gagné au casino, ouais. Yes. Et j'ai gagné 95 000 euros. Elle a dit yes, à l'américaine. Oui. Arrête, j'habite à... Non mais arrête. Non mais en fait c'est que j'habite à Épernay mais j'ai toujours pas où c'est, tu vois. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se concentrer sur la question, s'il vous plaît? Oui. Alors, vous avez gagné... Oh, c'est insupportable. J'ai coupé son micro. Hein, en sans... plus, cette fille-là, elle rigole et il y a Anaïs qui rigole avec... Elle m'a donné un coup de comme cuillère. Comme si elles étaient jumelles, c'est bon, tout. Bon, t'es ouais. Oh putain. La même intelligence, hein. Alors, du coup, à votre avis, quelle somme j'ai misée? 50 centimes? 1,50€? Ou 2,50€? Ouais, mais t'as gagné combien avec ça? 95 000 euros. 95 000? Ok. Ça m'a surpris. C'est sûr, c'est qu'elle a acheté des sex toys avec ça. Hein. Yes, je l'ai acheté! Nouvelle génération, double pénétration! Oh là là là, c'est là un là rabbit. Oh là là là là là. Elle bon, me fatigue. Alors, quelles étaient les propositions? Oh, tu te démerdes. 50 centimes, 1,50€ ou 2,50€? Oh bah c'est la réponse. Ouais. Moi c'est la réponse R. J'ai la réponse B. Pourquoi R? C'est un B mais mal fait. Ah ok. Débile. R comme débile. Alors, quelle était la bonne réponse? Alors, la bonne réponse, c'est la 1. Oh non. 50 centimes. Tu vois que j'ai raison. Oh là là. Là, forcément, je te suis pas. J'ai raison aussi. Ouais. Et là, c'est le cas de vous dire, je vous ai tous niqué. Ouais. Ah, pas moi. Bon. Bon, allez, je repars. Eh ben, merci. Oui, c'est ça, repartez. J'en peux plus. Ça sature ou pas quand on rigole? Ça sature mes oreilles, ça, c'est sûr. Tu l'invites plus, Amélie? Vraiment, tu l'invites plus. Moi, j'en ai une. Dans le multi-quiz de ce jour, pour terminer. Et vous avez combien, les copains, pour le moment? Moi, j'ai 3. J'ai 3, moi. Pour Jolan, il a 1, j'ai 2. J'ai 3. Anthony a 2. Ah, je pense 3. Que, ouais. Bah, je sais pas, peut-être que je vais me oh, taper ça va encore, se décider. On va dire un grand bravo à Madeleine, qui a 86 ans, qui, ce week-end, a été sacrée championne du monde d'aviron indoor. Dans c'est la quoi l'aviron? Non, c'est quoi indoor? Ah ouais, je vais expliquer. Donc d'aviron indoor dans la catégorie des plus de 85 ans. Elle était toute seule? Bon, il devait pas être nombreux dans la catégorie. Ok. L'aviron indoor, tu vois, l'aviron, c'est quand tu es sur un bateau et que tu rames à okay. plusieurs. Voilà. On en a parlé dans ce parmi sauf que dernière. Exactement. Sauf que l'aviron exactement. Indoor, c'est la même chose, sauf que t'as pas de bateau. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est normal, c'est du sport. Hein. À ton avis, tu à votre avis. Bateau? Oui, tu rames sans bateau. Tu sais, un peu comme dans la salle de sport avec le rameur, là. Mais c'est débile. Ouais, mais c'est du sport. À votre avis, en combien de temps a-t-elle réalisé ses 2000 mètres sur place? Est-ce en 10 minutes et 13 secondes, en 11 minutes et 23 secondes ou en 12 minutes et 33 secondes? Putain, elle est rapide. Sur place? Bah oui, sur place, parce que c'est indoor, donc elle est... En fait, elle fait du rameur en salle. Ah, c'est ça. Et elle a fait combien de kilomètres? Elle a fait 2 kilomètres, en fait, en seulement 10, 11 ou 12 minutes. Non, mais après, ça dépend si elle était toute seule ou pas. Ah oui, elle était toute seule. Ah, pardon. Elle était toute seule sur son avion. Ouais, elle est quand même douée, hein, ouais. Pour une vieille. Ah bah non, mais c'est bien. C'est bien. Et puis à 86 ans, ouais, c'est top, quoi. Elle a juste fait une crise cardiaque après, mais tout va bien. Mais à votre avis, elle a réalisé ce record en environ 10 minutes et 13 secondes. Ah, j'adore. Personne n'a percuté cette blague. 11 minutes et 23 secondes ou 12 minutes et 33 secondes? Non, merde, j'étais concentré sur autre chose. Elle a réalisé ce record en environ 10 secondes et 13 secondes. Non, mais... 11 minutes et 23 secondes. Non, pas de rire cette fois-ci. Ou 12 minutes et 33 secondes. On a de la A, de la B. Et c'est la C. De la B, et Pierre. C'était la réponse B. Ouais. Bravo, oui, Jolane. On félicite Jolane qui a une bonne réponse. Ça te fait 2 bonnes réponses. Bravo. Non mais si, quand même, je veux dire bravo. Et du coup, je rappelle que je peux échanger avec Jolane. Moi aussi. Allez, avec tout le monde peut échanger. Je peux. Attends, je peux pas échanger avec Alice, moi, je crois. Non, si. Non, non. Tu si, peux. Si. Ah oui, si, avec Alice. Ah oui, exact. Ah, oui, mais c'est moi, je peux échanger avec toi, Antoine. Oui. Attends, c'est, oh, c'est compliqué. Une place de partout. C'est club échangiste ici. Alors, on est à combien de bonnes réponses? Ouais, mais c'est quand même ma soeur. Juliette, ramène-nous ton god, s'il te plaît. T'es pas assez prêt. À double présentation. Jolane. Ouais. Tu sais, quand on est en manque, Jolane, combien de bonnes réponses? 2 bonnes réponses. Ouais, 2. T'as dit quoi? Jolane, 2. Teddy, combien de bonnes réponses? 3. Teddy, 3. Antoine. Moi j'ai 2. Antoine, 2. Anaïs. 4. Waouh. 4 putain. Amel. 4 aussi. Moi j'ai ça a triché. Ah non, bravo. Je suis simplement. Merci. Et toi? Et très moi, intelligente. 3. Oh, bah, c'est bon. Alors, oh. Tu as dit qu'il fallait 4 personnes pour participer au record de tout à l'heure. Alors déjà on a Jolane. Jolane, est-ce que ah bah oui, on a tout le monde, oui. On a Jolane, on a Teddy, on a Antoine et on a Théo. Les 4 mâles. Voilà, les 4 mâles. Ou les 3 plus. Ça va faire mal tout à l'heure. De quoi tu parles là? Mais je dis pas qui. De quoi tu parles? Tu veux que je te défonce? Les 2 meufs sont exclues du record ce soir, sauf si elles ont envie de participer ou sauf si on veut échanger avec elles notre record. Ah non, on elles ont pas le choix par contre. Pendant la pub. Elles ont pas le choix, on a un droit de veto. Alors, avec j'ai eux, pas c'est. De pub pour vous, mais j'ai de la musique si vous voulez. Oui, bah, pub, musique. C'est vrai. On fait quoi dans un instant? Mode de vie. Mode de vie insolite. Yes. Ok, mais avant, on a Fields, reprise de Katy Perry par Allocine, c'est plus rock et c'est maintenant sur Indestar. Acti Solide, c'est l'histoire d'un groupe de quidam qui s'ennuyait le lundi soir, qui s'est dit tiens, et si l'on prenait l'antenne pour raconter ce que notre triste vie ne connaît pas? Et. Les voilà. J'ai bien vendu l'émission, l'équipe. Ah, très bien. Fond, parfait. Fond, parfait. Excellent. Comme tous les lundis soirs, vous écoutez Indestar et plus particulièrement Actu Solide, votre émission d'actualité insolite. Après le multi-quiz, nous avons un mode de vie insolite à un moment où bah, nous nous penchons sur la vie et des vies de modes originaux. Pourquoi pas vivre par exemple sur la Lune? Ouais, en même temps, c'est un petit peu compliqué. C'est pas pour aujourd'hui encore. Il va falloir attendre une petite vingtaine d'années. Bon, alors pourquoi pas ne vivre dans une fusée qui serait encore sur Terre? Bon, ça peut le faire. Ouais, ça pourrait le faire. Juste pas l'envoyer, quoi. Et pourquoi ne pas vivre tiens, Anaïs, aujourd'hui on pourrait vivre dans quoi, Amélie? Non, mais. Non, aujourd'hui on vit pas. Dans quelque chose. On vit pas, on meurt. Non, c'est un monsieur oui. qui a décidé de récupérer et de, on va dire entre guillemets, sauver les retraités du cirque. Donc ça veut dire les tigres, les lamas, ah, oui. les lions. Les genre, animaux du cirque. Ouais, parce que je me disais les retraités du cirque. Bah oui, ouais, mais les petits vieux, tu sais. Qu'est-ce qu'on gros, fait c'est... comme numéro avec des vieux? Mais non, mais en gros, c'est vrai, c'est les animaux qui. Les animaux, quand après, ils sont plus bons à rien, on va ouais. dire, entre guillemets, pour les gens du cirque. Bon, allez, bon. Alors, on dit déjà, pas bon à rien, on dit à la retraite. Déjà, on a une grosse polémique hein, sur le cirque en ce moment déjà. Concernant les animaux. Bah, oui. Il y a de moins en moins de cirques, et en tous les cas, des cirques avec des numéros d'animaux. C'est parce que, disparaître. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour. On pense à tous les gens du cirque, hein, parce que, effectivement, il y a une grosse polémique en ce qui concerne bah, leurs conditions de vie, etc., aux animaux, leur transport, bah, tout ça. Disons qu'avant, on se posait pas la question, en fait, les animaux, ils sont bien ou pas, quoi que ce soit. Enfin, on se posait pas de questions. Maintenant, on commence à s'en poser, qu'on se rend compte qu'au final, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais bon, ça prend du temps à s'installer. Et puis, tu veux dire que les animaux n'ont pas forcément leur place à cet endroit-là? Bah ouais, c'est pas des phénomènes... Ouais. Les animaux, c'est pas des phénomènes de cirque. On est d'accord. Voilà. Encore est-il que si vous avez été animaux dans un cirque et que vous voulez prendre votre retraite, qu'est-ce qui peut se passer par la suite, Amel ? Oh, il est cool, lui. Mais de quoi, qu'est-ce qui se peut se passer ? Bah non, mais t'en je sais pas. Bien, on l'animal. Alors, du coup, on parlait tout à l'heure de Snapchat avec Jolan à fond dessus. Et j'ai du mal à voir le rapport. Mais non, mais c'est parce que le gars, en fait, je l'ai connu sur Snapchat, en fait. Bah, je l'ai connu. T'as juste envoyé un message. Ouais, il m'a envoyé un message, il m'a répondu. C'est grave mon pote. Et du coup, en fait, il est sur Snapchat, il s'appelle Tigerman. Ah, Tiger comme. Ouais. I am the Tiger. Boum. Comme un tigre, quoi. Il a pas chopé le melon, quoi. Tigerman, quoi. Bah, non, mais moi, je trouve ça sympa. Et du coup, le parc, il est c'est ouvert. Rock. Il est ouvert depuis le 16 juin 2018 à Traite. À Traite ? Dans le 13. Non, à Traite des Vaches. Attends. Tu me dis qu'il a, il prend les animaux pour les mettre à la traite et au final il est armé dans un parc. Mais non, il les récupère. Mais parce oui, il les récupère. Ouais. Et non, parce mais... Les, non, mais parce que les zoos ils en veulent plus. C'est mais tout. C'est pas une vraie retraite. Cirque, mais là, c'est mais si, c'est un parc naturel. Bah, c'est, bah non. Non. Mais non, non. Mais c'est un parc animalier pour éviter que je sais pas, ils finissent. Oui, je bah sais c'est pas quand où, même naturel. Si, si, oui, bah en tout cas, ils ont plus le droit. De toute façon, ils ont plus le droit d'exercer ce qui est spectacle, dressage ou des choses comme ça en fait pour les animaux. En fait, c'est vraiment les laisser tranquilles. Leur donner à manger. Pas comme dans un zoo. Oui, en plus naturel. Oui, c'est ça. J'insiste sur le fait de naturel quand même. Ouais. Et du coup, le parc, il fait 2,5 hectares. Ouais. Donc, ce qui n'est pas non plus énorme, on va dire. Non, mais c'est naturel. Pour un lion, pour un éléphant, pour un... Vas-y, je suis sûr, on va nous donner des animaux incroyables. Enfin, vas-y, alors, vas-y. Du coup, ils ont 5 tigres et lions. Ouais. Ouais, d'accord. Ils avaient des antilopes, mais elles sont plus là. Ah, c'est naturel, hein, on laisse faire les choses. Oh, il est relou. Ils pourraient en accueillir 13 s'ils voudraient, mais ils veulent déjà avoir des subventions pour pouvoir mieux installer les animaux. Cher, bah oui, mieux installer les animaux qu'ils ont maintenant que d'en prendre et mal les installer et que ça finisse pas très cool pour eux. Ils ont des chèvres aussi, des lamas, des cochons, des chevaux, des oies. Des oiseaux, bon je vais pas tout dire non plus, des cochons d'Inde et tout. Hein. Ce mec il gère une ferme en fait, juste qu'il y a des lions. Il y a des fourmis aussi paraît-il. Des coccinelles au printemps. Non mais c'est bien hein. Non c'est diversifié. Ah, je vais te frapper hein. Et c'est naturel. C'est vrai que des lions en Europe c'est tout à fait naturel. Mais... Bah en même temps, maintenant qu'ils passent, ils peuvent plus être mis en... Bah c'est oui, facile de les mettre en liberté. Ah bah c'est compliqué ouais, de les mettre dans la savane. Il y a du bon dans son idée, mais bon. Les enlever d'un cirque ou. C'est parce qu'ils en veulent, c'est parce que les cirques n'en veulent plus. Mais je sais, coup, j'ai très bien qu'ils, compris. Tu veux qu'ils se retrouvent où ces pauvres petits tigres et ces pauvres petits lions ? Ah, tu peux pas les envoyer dans un cirque pour les remettre dans un naturel. Non, ça c'est pas possible. Parce qu'ils ont perdu pratiquement tout leur instinct quoi. Bah oui. Putain, c'est pas vraiment que vous allez apprendre ça, je viens de vous dire que je sais très bien. On est tous en train de t'agresser là. Du coup, une petite réserve, c'est bien. Et bah du coup quand je vous ai dit les animaux n'ont pas le droit à des spectacles. Non. Juste être admiré parce qu'ils ouvrent le parc maintenant pour avoir des subventions. Ah il y a des visiteurs maintenant qui viennent. C'est un zoo. Voilà. Mais non, non mais c'est un parc. Ça. C'est un parc animalier. Le zoo c'est pas du tout pareil. Non. Bah le zoo des visiteurs pour avoir des subventions pour pouvoir avoir d'autres animaux. Je crois que c'est à peu près le même concept qu'il y a là-bas mais bon. Et du coup il a dit qu'il était sollicité par des cirques français, italiens et même espagnols. Pour leur redonner tous ces animaux, sauf que bah il peut pas malheureusement tous les recueillir. Ouais, hein, il a pas le droit. Bien... Oui, parce que les abattre et tout, c'est chaud aussi. Ah oh bah ça se fait pas. Et puis non, pourquoi ça abattre fait un lion alors bah, parce qu'il y en a qui le font. Là. C'est plus. Non, bah justement. En fait, à partir d'un moment, vu que ça commence à être mal vu en fait de faire des animaux dans les cirques, bah ils cherchent tous un moyen entre guillemets de s'en débarrasser. Bah c'est ça. Ah mais tu peux pas t'en débarrasser en les comme piquant ça, les animaux. Bah non justement, tu peux pas. Tu peux ni les piquer, tu peux non, ni les vendre, tu peux ni tu peux pas faire grand chose. En fait, t'es obligé de les garder, mais tu ne peux pas faire de spectacle. Ah mais tu sais d'ailleurs ce que j'ai appris ? Non. Je regardais la télé hier. Ah. 7 à 8. Et j'ai appris qu'en fait, on pouvait avoir des dromadaires chez soi. Ouais. Que c'était considéré comme des nouveaux animaux de compagnie. Animaux. Lilo. Je te vois bien avec un dromadaire. Alors, non, mais c'est pas déconné. C'est un peu encombrant et ça sert à rien. Oui, mais j'ai appris ça qu'on pouvait avoir des dromadaires chez soi, c'était légal. D'accord. Alors, on va inventer une sous-race de dromadaire qui va être un dromadaire toy. Le miniature. Arrête, ils en sont capables. Attends, un dromadaire, c'est déjà une sous-race d'un chameau. Ouais. C'est une moitié de chameau, c'est quand même quand il pense. Enfin bref. Ouais. Du coup, C'est comme si t'avais un demi-paquet de cigarettes, tu sais. Des camels. Oh là, non, mais non. Oh, c'est nul. Ok. Il me fatigue. Aïe, aïe, aïe. Mec, t'arrêtes de fumer, mais pas complètement. C'est comme la marque de poule, la gauloise. Là, c'était... Une... Ok. Je suis pas suffisamment spécialisé. Mais... Oh, bien. Non, je m'arrêterai là. C'est pas, ouais, ouais. Alors, pour terminer... Alors, du coup, il cherche des subventions parce que rien que déjà nourrir les félins par mois, ça lui coûte à peu près 1000 euros. Bah ouais, non, mais ça bouffe, hein, ces trucs-là. Bah ouais. Parce que le gars, il a... Plus que le dromadaire. Le gars, il a Snap et en fait, il a un tigre blanc qui s'appelle Kenzo. Et il le balade en laisse. Oui. Oh putain. Et tranquille, il se balade avec. T'as vu, je t'ai même montré Jolan cet après-midi sur Moi Snap. Aussi, hein. Oui, toi et aussi. T'as le droit de... Non, t'as pas le droit de te balader... Non, mais pas dehors, il reste dans le parc. Ah, dans le parc. Quand il y a personne, bien sûr. Ouais. Mais il le balade en laisse, il lui fait ça. Des câlins. Pour quoi ? Ça sert à quoi de le balader en laisse alors qu'il est dans son parc ? Il est pas censé laisser tranquille. Il est dehors. Et alors ? Bah oui, mais... Si mais le... Il le promène de... C'est parce que normalement, en il est en cage. De son enclos. Bah, il est en cage, mais il a aussi un extérieur. Ah, et ouais. Du coup, il le fait quand même sortir, tu vois. D'accord. Mais il le sort en laisse. Pourquoi ? Ouais. Parce que je sais pas, peut-être pour l'habituer, pour je sais pas. T'imagines le pauvre cochon, c'est pas un chien. Mais allez, s'il aime bien. Fais le beau, fais le beau. Ah, c'est psy. Il a vraiment l'esprit de zoo. Enfin, dans la manière où vous l'avez décrit, c'est le mec, il veut gérer son zoo, quoi. Non, mais c'est sûrement plus. C'est sans doute mieux qu'un. C'est-à-dire que ça, je le nie pas. Oui, mais en fait, il y a d'autres solutions quand même que ouvrir son propre parc et refaire un zoo à côté, quoi. Bah, au final. Non, mais après, les animaux, ils ont peut-être une meilleure condition de vie que dans les. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est certainement plus. Ce que je viens de dire. Naturel. Mais... Clairement, tu vois, voilà. Là, les chevaux, ils sont sortis tous les jours. Tous les jours, ils sont dans la prairie. Il nous fait montrer aussi ses cochons et tout. Ses cochons, ils sont trop bien. J'aimerais trop être un cochon, moi. À quel moment t'as un cochon dans un cirque ? Mais c'est pas. Mais il récupère pas. Bah, tu m'as dit qu'il y a oui, mais y en a qui ont des cochons dans les cirques. Et ce soir, numéro exceptionnel, le cochon. Comment il s'appelle ? Babe. Bah, pourquoi pas ? C'est Babe. Pourquoi pas ? Peggy qui fait du trapèze. Et sa fabuleuse queue en tire-bouchon. Comme celle du dresseur. Oh non. Numéro exceptionnel. Bon, allez, on arrête. Non, tu arrêtes. Alors, du coup, le prix. Parce que venons là. Le prix, quoi ? C'est bah, du parc pour aller le visiter. Ah, oui. Ça coûte 10 euros par adulte et 8 euros par enfant. Et vous pouvez aussi avoir une journée de visite privée avec visite pédagogique. Ah, comme Jurassic Park. Guidée du parc. Animation tigre et lion pédagogique. Oui. Et vous commencez à me gaver. Oh, merde. Antoine, on l'entend jamais sauf pour dire une connerie, tiens. Encore des fois, ça vient en blanc. Ouais. Mais c'est où ? De quoi c'est où ? Je te l'ai dit déjà. C'est où ? C'est dans le 13. Ah, le 13, Marseille. Prêtes. Ouais, t'aurais dit Marseille, le 13. Oh, ouais. Et du coup, pour avoir une visite guidée toute la journée, c'est à peu près c'est 30 euros sur rendez-vous. D'accord. Et t'as les animaux rien que pour toi ? Mais non, mais en gros, t'as des explications. Genre, tu fais la visite avec le gars. Mmh. Ouais, c'est une sorte de safari. Mais dans le sud de la France. Oui, si tu veux en fait. Non, c'est et bien. T'es à pied. Est-ce qu'on peut. Ouais, il faudrait un petit se balader en 4x4 quand même. C'est pas sympa. Bah non, mais je donne des idées à. Comment il s'appelle ton gars là ? Tigerman. Tigerman. Après, je connais pas son prénom. Oh, t'es pas assez intime. Ouais, non. On s'est échangé que deux messages. Envoie lui des nudes. Non. Il t'a quand même répondu sur Snap. Mais si, sur Snap, ça disparaît. Ah oui, c'est vrai. Faut tout faire. Tu vois, bah hop. Alors. Someday. Le remix qui est signé. Someday. Ah, Someday, ouais, pourquoi je dis ça ? Ah, parce qu'elle dit Someday dans non, le refrain. Non, c'est parce que t'arrêtes pas de dire des conneries. Mais donc le titre c'est Someday. Moi j'ai pas trop compris. Someday. Fake Jane sur Indestar. Et bah, après on a les objets insolites. Dont l'objet Félix mystère. Le nom de l'artiste ? Fake Jane, ouais, oui. C'est pas moi. Oui, bah, il s'appelle Teddy. Un cousin éloigné. Et on a l'objet mystère à découvrir. Vous avez quelques minutes encore pour aller voter sur la page Facebook d'Indestar. Pour, à votre avis, c'est quoi cet objet ? Allez, est-ce que c'est un pistolet à condiment ou est-ce que c'est un pistobule ? Un pistobule. Un pistobule. Et bien sûr, tous les autres objets insolites seront affichés sur l'écran qui vous sert de visuel si vous êtes sur Indestar.fr. A tout de suite. J'ai un problème avec cette chanson, les gars. Pourquoi ? Indestar et Actu Insolite avec cette reprise de Fake Jane qui est très bien. La chanteuse originale, la chanson originale est très bien. Someday, ça s'appelle. Mais sauf qu'à chaque fois que je l'écoute, je pense à une autre chanson. À laquelle? Chanson des années 90, vous vous rappelez d'Eiffel 65? J'ai cru qu'il allait mettre une YOLO musique. Non, même pas du tout. Non, pas pour le coup. Là, écoutez, c'était regardez. Pas un peu électro? Je vous ai fait un truc, regardez. Et oui, c'était électro de l'époque. Ouais. Alors, ça c'est la version de. Comment elle s'appelle? Nela. D'accord. Maintenant, Eiffel 65. C'est la même chose. Ouais. Alors, je baisse un petit peu le tempo. Écoutez. Là, je l'ai baissé de 15%. Je remets l'original. Enfin, c'est vrai que c'est la même chose. Ouais. Voilà, c'est la même petite chose, démonstration de ce soir. Avec moins d'électro. Ah oui, non mais on est d'accord. C'est... Non mais ça a été un petit peu remasterisé, etc. Mais genre le rythme de la chanson, c'est exactement la même chose. Quoi. Ah bah oui, c'est une reprise. Et du coup, quand j'écoute cette chanson là, et bah, je pense tout de suite à Eiffel 65. Ah, un blue diamond, man, the blue diamond, the blue diamond, et bah de di da da di da da da da da da da da da da da da da da da da. Bref, et ça fait ça jusqu'à l'infini. Ouais, exactement. Si vous venez de débarquer avec Actu Solide, c'est jusqu'à 23h. Il y a Jojo. Ouais. Ouais, il y a Teddy. Ouais. Il y a Antoine. Ouais. Il y a Anaïs. Ouais. Il y a Amélie. Ouais. Ah bah. Amélie qui est moitié morte. Et il y a Théo. Ouais. On a. Il a un buffle. Ouais. il peut aller rejoindre le parc du coup. Oui, le fameux parc, effectivement. Non, non. Moi, j'ai un peu la même voix que le mec qui fait. Steak. Tu vois, c'est pareil. Absolument pas. Si, laisse-moi rêver. Objet insolite à découvrir. On vous a ramené chacun des petits objets qu'on trouve pas dans la vie de tous les jours, qu'on a chopé sur internet, dont l'objet mystère qu'à découvrir. Est-ce qu'on a déjà des votes, Amel, sur la page Facebook de la radio? Ouais. Alors, dis-nous, déjà, quelles étaient les propositions? Alors, c'est un pistolet à condiment ou un pistolet bulle? Ouais. Et pour le moment? Bah je sais pas, la putain de tablette à bug. On a 67% pour pistolet bulle et 33% pour pistolet à condiment. D'accord. Tu peux même dire qui a voté pour quoi. Ah, tu connais les noms. Ouais, et je connais même les gens. Tu connais les gens. Pour le pistolet à condiment, c'est John Pinel qui a participé à l'émission J'ai vu de la lumière, qu'on connaît tous, plus ou moins. D'accord. Donc on lui fait des gros bisous. Tu peux dire les noms de famille, hein. Juste le prénom. Ah bah, John, voilà. John, ouais. John. Ça peut être John Travolta, tu vois, par exemple. John Presque. Cena. Presque. Et après, sinon, celui qui a voté pour un pistolet bulle, il y a moi déjà. D'accord. Je connais pas ce que c'est en soi l'objet, donc. Ah, tu t'es dit, ah, et pourquoi pas, soyons joueurs, ouais. Et il y a Fabien aussi, un pote de Warl. Ah, Warl, enrôlé dans la folie, le maître du jeu. J'ai picolé avec lui d'ailleurs aussi. Forcément, c'est comme ça que t'as fait sa connaissance. Oui. Bizarrement. Ok, bah continuez de voter, vous avez encore 3 minutes pour le faire. Et si vous êtes sur indestar.fr, vous allez pouvoir voir les objets qu'on vous met sur l'écran. Qui sont les objets insolites. Par exemple, celui de Jojo. Ouais. Jojo qui se prend déjà, enfin qui se croit déjà en été, qui est sur le bord de sa piscine, sur son petit bateau gonflable, à siroter un cocktail qu'il prend directement dans le. Alors ce signe là, c'est marrant. Ce n'est pas un signe. C'est un flamant rose. Ah, effectivement. Ce signe il est rose. Alors ce flamant rose là. Pourquoi on le retrouve partout en ce moment depuis 2-3 ans? J'ai l'impression qu'il est partout ce truc-là. Je me suis fait la même réflexion. C'est vrai, ça doit bien marcher. Parce qu'il est rose. Ouais, mais alors il était déjà rose avant, tu vois. Non, mais je veux dire, ça doit bien marcher pour qu'il. Ouais, mais je sais pas, peut-être que c'est une marque déposée, j'en sais rien. Peut-être. En tous les cas, c'est un objet de couvoitise. Surtout quand il y a des bières à l'intérieur et qu'on peut les prendre directement dans la piscine, dans le flamant rose. J'ai mis le bar à bière. C'est le bar à bière, ouais, pardon. C'est exactement ça, de la piscine. J'ai fait le test avec mon pas un flamant rose, mais tu sais, j'ai une piscine chez mes parents. Quoi ? T'as un flamant rose ? Non. Il a dit pas avec mon flamant rose. Non, mais en fait, si vous voulez, à la maison, on a des portes de bière, enfin, verre où on peut mettre des bières dedans. D'accord. Et c'est super efficace, donc voilà, j'ai mis ça, j'ai trouvé ça original. Et t'as une piscine déjà, toi ? Oui, j'ai mes parents ont une piscine, pas moi. Et t'as pas de flamant rose ? Non. Ouais. Franchement, bon, ça vaut le coup. C'est un objet plutôt marrant et insolite, je trouve. Ouais. C'est sympa. Bah ouais, c'est cool. Ça égaye un peu ta piscine. Par si contre, tu peux mettre que 4 bières à l'intérieur. Ouais. C'est vrai que ça fait peu pour. Bah ouais. Si t'es tout seul. Bah. C'est pas une phrase d'alcoolo, ça. Et combien pas on peut tout. Mettre de jus de verre de verre de bah, jus là, de comme, tu vois, tu peux en mettre que 4 hein, seulement dedans. Ah, tu peux mettre des bouteilles peut-être. Ah, des bouteilles de jus de pomme. Là, ça va alors. C'est un objet. Bouteille d'un litre. C'est un objet qui coûte 5,53€. Franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Par contre, faut faire gaffe que ça crève pas, quoi. Ouais, par contre, t'es dans la merde sinon. J'avoue que. Ça niveau aussi stabilité, je sais pas trop. Pas de jus de pas ce que ça vaut. Puis j'ai même vu des filles en fait, quand elles prennent leur bain, tu vois, elles prennent, tu sais, des verres à vin, le cliché. Oui. Et ben en fait, des verres à pied et tout, et ben en fait, tu peux les poser dans l'eau, en fait, ça flotte. Ouais, pas sur le pied, pas. Mais au niveau. Si. Au niveau de la boule. Ah, ouais. Ah ouais. Tu peux le poser, ça flotte, donc au final. Mais après, le vin, il devient franchement, chaud. Franchement, si c'est du genre du champagne, il y en a d'ailleurs. Alors, si c'est du vin chaud, qu'est-ce que tu peux. Ah oui, mais c'est dégueulasse après. Ouais. Bah, tu le bois vite, et puis c'est tout. Ouais. Du coup, bah. Je sais pas. Ça se trouve sur My Crazy Stuff. Ok. Voilà, c'est à 5,50€, à peu près, 53. À combien ? 5,53€. C'est pas cher. Non, franchement, c'est une affaire. C'est du voilà. Madeleine Chien, ça. Nous avons Teddy. Teddy ouais. Qui nous a ramené un monsieur cuisine. Boulanger. Alors, c'est quoi ? C'est un petit monsieur qui sert des gâteaux ? Ça s'appelle le jeu du boulanger. Ah, c'est un jeu pour toi. C'est comme le jeu de la patate ? Non. Bah non, c'est le jeu du boulanger, c'est pas le jeu du cuistot. Mais bon, le concept est peut-être le même du coup, parce que je connais pas le jeu de la patate. Ouais. T'as une patate, tu la donnes à ton voisin. Voilà. Tu en profites de la patate chaude. On dit. Oui, effectivement. Alors là, en fait, le but c'est de. En fait, le petit boulanger il a des plateaux dans sa main. Oui. Et tu dois poser des petits objets de boulangerie dessus. Ah, chacun son tour. Tombe. Ouais. Et plus t'en poses, plus c'est en équilibre et plus il peut tomber. Parce que le boulanger, tu sais, il fait un peu culbutoqué. Ah ouais, c'est ça. Oui, culbuto, ouais. Oui, ouais, effectivement, il est pas très stable. C'est ça. Donc tu peux lui mettre des choses sur les mains, des ouais. Petits objets de boulanger. Au bout d'un moment, bah, mais au bout d'un moment, ça tombe, ouais. Et bah, l'idée, c'est d'équilibrer quand même. Ouais. Mais bon, okay. Si tu joues à 6, enfin, je sais pas combien tu peux jouer. Ouais. Mais bah, c'est dangereux, quoi. C'est vrai. Et peut-être qu'il faut poser les objets les plus lourds au départ. Pour après peser les. Bah non, parce qu'après ça balance. C'est une stratégie. Tu sais, là ouais, en mais... plus sur l'image, ils sont mis correctement. Pour ceux qui voient pas, là ils sont bien empilés plutôt bien. Bah non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus d'un côté que de l'autre là. Oui, ah oui. Ah oui, oui, mais ils sont empilés assez droit. Ah oui. Mais tu sais, tu pourrais faire le bâtard et mettre plus sur un côté. Que piéger voilà. L'autre. Bah ouais, ouais, ouais totalement. T'as raison. C'est un jeu cool à faire en soirée. Ouais, ouais franchement. Ça peut être marrant. Ouais. Entre boulanger. Mais alors, ça. Du coup, tu fais pas ça en soirée, tu fais ça en matinée. Ouais, pour le coup, ouais. Soirée oblige. Il big up à tous les boulangers. Qui non, mais une soirée de boulanger le samedi soir, c'est bon. Eh les gars, ce soir, on fait la teuf. Hein. Jusqu'à 20h. Après, il y a la météo. Et après, on va se coucher. Et après, dodo. Et après, dodo. Mais c'est exactement ça. Bah ouais. Je compatis. Objet suivant. Ah non, ça vaut combien ça? Ça vaut 18€ sur commentseruiner.com. Ah ouais, quand même. Comment se ruiner, j'aime bien l'idée. Je vais avoir plein des objets. Objet d'Antoine qui... Non, c'est pas le mien, celui-là. C'est celui d'Amélie. Ah, c'est le mien. Ah, marqué Anaïs. Anaïs, pardon. Merci. C'est pas Théo ou... Objet, ouais, d'Anaïs, donc, je le disais. Il y a des... confonds avec Antoine. Non, mais tu sais pourquoi j'ai confondu avec Antoine? Je me suis dit, ce serait pas étonnant si c'était Antoine, parce qu'il y a des pizzas, il y a de la bouffe. Ouais, ben non. J'ai pas avec la bouffe, moi. C'est comme si un jour, tu vois, il y a Teddy qui nous ramenait un objet, c'est des WC. Il dit, merde. Non, ça, c'est Amel. C'est moi, bah oui. Ah, voilà, c'est une logique. Donc là, on a des pizzas. Alors, on a un petit four à pizza qu'on ouais. Appelle une pizzarette. Une pizzarette, ouais, c'est comme une bolinette. Un petit bol. Ouais, peut-être. Ouais, c'est dans Asterix. C'est pour 4 personnes. Là, les références. Ah, oui. Ah mais c'est épique ces références-là. Lèche cul. Non, pas du tout. Suce boule. Je vois pas ce que vous voulez dire. Bon alors. C'est pour 4 personnes. Ouais. En fait, le dessus, c'est une coupole en terre qui est cuite, fabriquée à la main. En terre cuite, du coup. C'est ça. Une coupole en terre cuite. Alors, ça contient un emporte-pièce pour découper la pizza. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. On a un emporte-pièce pour découper la pâte de la pizza. Okay. On a entendu ce qu'elle a dit. T'as 6 coupelles fournies. Ouais. Et tu trouves ça sur l'avant-gardiste à 59,46€. C'est quoi les coupelles au lieu de 69,95€. C'est une promo, c'est une affaire, les gens, faut c'est pas ça. Hésiter. Hein. Et du coup, ça coûte cher, les tajines. Non, mais je rigole, mais ça ressemble un peu à la gueule d'un tajine, je trouve. Ouais, donc c'est pas quoi un tajine. Un tajine. C'est pas tajine. Non, un tajine. Je veux un tagine de poulet, s'il vous plaît. Un tagine. Ah, c'est tagine qu'on dit. Ah oui. Ah merde. Pas tagine. Je suis désolé, je crois si, que j'ai un tas de jeans. Un tas de jeans, ouais, ça marche. Oh merde. C'est marrant, c'est pour les pizzas en apéritif, quoi. Enfin, dans le. Ouais, enfin, peu importe. Hein. Oh, putain, quel con. Ah ouais, c'est clair, elle a l'air de gogol. Hein. Tellement. Je veux un tas de jeans. pas de jean. Oh, alerte au Google. Bon, objet suivant. On se moque pas. Celui-ci, c'est celui d'Antoine. Ouais. C'est un t-shirt. T-shirt. Il y a écrit un truc dessus. Avec le tas de jeans en dessous. Dieu. Ta gueule. Alors attendez. Sur ce t-shirt est marqué Dieu me créa et dit. Je veux des tas de jeans. Démerdez-vous avec. Mais je vous emmerde. Voilà. Et eh bah ben oui, c'est ce qu'il a dû dire quand il a vu Jolan. Pardon, non, Antoine. Oh, c'était pas pour ça. J'aurais pas aimé. Je sais pas pourquoi. C'est sorti. Je voulais dire Antoine. Oh. T'auras plus de jupe sur le dos du pamplemousse. Je suis désolé. Ah, je vais juste laisser le pamplemousse. Je vais bégayer. Je vais vraiment navrer. Alors, Antoine, non mais c'est ce qui, en fait, c'est ce qu'il s'est dit quand il a vu Antoine et puis il s'est dit merde, il rentrera pas dedans. Du coup, Jolan. Oh, oh l'enfoiré. Oh, surtout que Jolan est quasiment aussi gros que moi. Moi, je non. Ah non. Non. Abuse pas. Jolan, il est gros de la tête. Ta gueule. Oh. Jolan, c'est une boule d'hélium. Bon, alors, ce t-shirt là. Et regarde, il est vexé. Salut. Ah, il casse le matos. Hey. Oh. Moi j'ai ça mérite. Ne fais pas le mec qui a la grosse tête. C'est bon, prends pas le melon. Hein. Antoine. Marguerite, seul melon. Ouais, le t-shirt il a 8 euros, c'est sur Wish. Oh putain, il faut peut-être que je la dise cette anecdote. Ah, sur Wish. Oh. Contre... Merde, mais je trompais. Enlève. Enlève. Tu voulais quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait? Oui, pendant ce temps-là, t'es dit ça coûte combien? Attends, 8 euros. J'ai une excellente anecdote sur les melons. Alors, les melons. Ah non, plutôt ouais. Sur Marguerite. C'est pas melon, me lèche, ta bite. Non, c'est pas des blagues de ton niveau. T'inquiète pas, c'est pas des blagues de ce niveau-là. On est un petit peu au-dessus. Il Marguerite se trouve que... dans Peck Avenger, c'est jeudi, Marguerite... 23h. Voilà. Oui. Et ben, il se trouve qu'en fait, Galagne, il dit souvent melon, c'est elle. Et Galagne, lui, c'est les blagues de merde. Oui. Pourquoi melon c'est elle? Parce qu'en fait elle a reçu une abréviation dans son bulletin de non une appréciation je sais appréciation, plus comment dire. Une appréciation. Non appréciation abréviation aussi mais oui non mais abréviation c'est un abréviation elle a eu un commentaire là, je suis d'accord. Un commentaire voilà. Un commentaire d'une de ses profs ouais. Qui a dit alors bon travail bon élève mais faites attention à votre ego hein. Mais pourquoi quelque chose du genre bah, je sais pas apparemment d'avoir un gros ego. Marguerite un gros ego. Peut-être. Elle en cours. Zégo. Ah ouais. Ah c'est quoi Du coup c'est assez drôle. C'est très drôle. Ouais. Et puis aussi on dit pour Gaëlan si tu fais une blague de merde tu fais une blague à la Gaëlan. Tu ça, fais une Gaëlan. C'est très drôle tu ça. Tu fais une Gaëlan. Bah, oui. Mais ça me rassure mais c'est bien mais je me sens moins seul. Bon. Pourquoi tu te sens moins seul? Bah pour ce qui concerne les blagues de merde. Ah. Tu vois j'ai un. Je pensais que tu parlais de Lego moi. Un compagnon. Ah merde. Il y a Gaëlan qui nous écoute. Merde. Bon bah ça clash. Des bisous Gaëlan. Ouais, des bisous à toi effectivement. Non, mais on clash Marguerite. Faut qu'on le caresse dans le sens du poil parce qu'on d'ailleurs, le voit en donc. Au passage Marguerite passera dans Actu Solite à un moment donné. Ouais. Mais oui mais on l'attend avec grand plaisir. On verra bien quand elle passera. Ou faire pipi à Paris. J'ai trouvé ça what the fuck quand t'as envoyé ça dans le groupe. Mais ouais, mais c'est le principe des objets. Ouais, c'était une titre de musique que tu nous avais balancé. Eh, hey, on pourrait, hein. On pourrait. Non, sérieux, avec un titre comme ça, tu veux. Ou faire pipi à Paris. Non, là, c'est un livre qui vaut seulement 9 euros sur Amazon. Ah, attends, comment. Combien 9 euros sur Amazon. Voilà, et en plus, c'est les promos, pareil, en ce moment. Hein, version actualisée et argumentée par l'auteur hein, qui nous propose. En fait tous les points essentiels pour se faire pipi à Paris. Voilà. C'est marqué alors un best-seller du livre pratique touristique, 13 000 exemplaires vendus quand même, sortie nationale pour la journée mondiale des toilettes. C'est pour Amélie ça. Et ils mettent avec cette nouvelle édition la sensation est renforcée d'être dans Paris comme chez soi. Voilà. Mais en fait c'est quoi c'est des toilettes qu'ils proposent ou c'est ouais en fait c'est un guide c'est si la tu nature non tu le déplies tu le c'est comme le restaurant et ça te montre où est-ce que tu fais pipi exactement oui non mais je veux dire là où ça montre c'est des chiottes que ça montre oui bah oui c'est une des toilettes. Alors, dans Paris généralement tu pisses et tu chies dans des chiottes oui normalement dans Paris mais tu sais ça pourrait être dans la nature non justement parce qu'il y a pas de nature à Paris pas de nature à Paris c'est pour ça que je te dis normalement à Paris donc là en fait il t'indique tous les points essentiels pour aller pisser ou autre chose et il t'indique aussi la qualité de ces toilettes, tu vois, comme un resto. C'est-à-dire, ça c'est un. Ça, les étoiles Michelin ça, des chiottes. Ça, c'est une chiotte 2 étoiles, tu vois. Les étoiles Amélie, on pourrait appeler ça. Encore. Peut-être qu'il y a des Louis Vuitton. À 5000 balles, ça me bat. Ouais, c'est ça, on peut appeler ça les étoiles Amélie. Mais ouais, c'est ça. En fait, des chiottes 2 Amélie, des chiottes 3 Amélie. Je les teste. Je vais être payé à tester les toilettes à Paris, tiens. Tu peux tester. Tu peux la tu fais quoi comme métier? Je suis testeuse. Ah bon, testeuse de quoi? De toilettes. Testeuse de toilettes pour le fameux guide où sont les toilettes à j'ai, Paris. J'ai déjà attrapé pratiquement 6600 infections urinaires, du coup. C'est il y en a qui sont tellement dégueux. Oh là là. Ouais. Et par contre, et ça c'est bon, en France, c'est vrai qu'il y a des chiottes qui sont sales. Hein. Oui. Enfin, quand je dis en France, mais dans d'autres surtout pays à Paris. Aussi. Par contre, surtout j'ai été à Genève, en Suisse, c'est ouf comment c'est propre, quoi. Mais dans des chiottes à Genève, t'as l'impression que t'es dans un hôtel 4 étoiles. Autant t'as envie de rester dans les chiottes. T'as envie de lécher les toilettes. T'as envie de lécher t'as envie de bouffer dans les chiottes. Ça dérange pas. Ah, mais c'est fou, bah après, quoi. C'est la Suisse. Hein, il y a des pays comme ça, ouais, la Suisse, le Japon, et puis d'autres qui ont des. Bah en ce moment, le Japon. Eux, pour eux, c'est un art, les chiottes. Non, si, c'est tout un art quand même. Eux, ils ont de la petite musique, les petits jets, les petites lumières. C'est vrai, c'est vrai. Le petit jet pour nettoyer le cul. Le petit jet pour nettoyer le cul. Et il est trop bon celui-là. Il est trop du bien. Je sais pas. J'ai essayé, t'es où? Non. J'aimerais bien l'essayer. Il y en a qui disent que c'est magique. Ah, qui voulait m'offrir des toilettes chinois avec un jet dans le cul, je suis preneur. Japonais. Les Chinois, pas dans le cul, mais. Les Chinois, ils préfèrent les toilettes turques. Les Chinois préfèrent les toilettes turques. Ouais. Et les Turcs, ils préfèrent les chiottes chinoises. Ça marche comment? Oh, mais il fatigue. Mais c'est, ouais, c'était même pas drôle, mais en oui, fait. Oh là là là là, c'est vous qui êtes pas espèce drôle. Espèce de sans humour. Bon, on a droit. Est-ce qu'on a le droit de se faire du bien maintenant? Oui. Avec le jet d'eau. Non, ça avec. Ça dépend de quoi tu sinon, mon objet mystère, on le fait quand? Ah, l'objet. Mais oui. Oh, mince. Ah merde, la jumelle, on l'a oublié. Alors, on se fait du bien avec l'objet mystère, d'ailleurs. Qui était à découvrir sur la page Facebook, vous pouviez voter sur la page Facebook d'Indestar. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet, mais un pistolet à quoi? Oui, pistolet. Alors soit un pistolet à condiment, ouais. Soit un pistobule. Alors on précise que c'est un condiment, c'est pas par exemple une personne de l'équipe plus un diment. C'est... C'est une de... ouais, de ketchup par exemple, si on veut, de trucs avec ketchup mayo. Au ketchup mayo, ouais. Ouais, ou des aïe, trucs comme ça, des petites cornichons, sauces, ouais, tout ce qui peut sauce moutarde, condimenter nos plats, quoi. C'est hein, ça. Voilà. Ou alors un pistolet à bulles. Oui, c'est quelle ça. Était la bonne réponse? Ah, il est grave lourde aussi, putain! C'est suspense! Alors, c'est le pistolet à condiments. D'accord. Donc, yes. À l'intérieur, on peut y mettre des. Des oui. Condiments. Alors, des. Pas des. Il faut que ce soit des trucs liquides. Hein. Et on. On pulvérise. C'est ça. Direct, par exemple, de la sauce blanche à l'intérieur, on peut mettre. Bah, ça, oui. ça gicle, ça part. Voilà, ça, c'est ça. On y met de la sauce blanche et on fait gicler. Il a trop peur de moi, je crois, maintenant. Il a bougé. Il a bougé, il a flippé. De ouf! Ah, c'est ça, on y met de la sauce blanche et on fait gicler sur le plat. C'est ça. Non, mais c'est bien. C'est ça. Très bien. Non, mais t'as essayé de faire un truc drôle, c'est même pas par drôle, contre, mais c'est ça doit être galère à nettoyer. Non, apparemment c'est super facile. La sauce blanche, c'est une. Mon cul, c'est du poulet, c'est un pistolet. Tais-toi parce que j'ai nettoyé ta table avec des morceaux de je sais pas quoi là. Mais ouais, ça collait. Hein. Ouais, je suis sûr bon. T'as fait autre bah, chose. Hein. S'il vous plaît, réglez vos querelles en tête. Ouais, elle a mis la sauce blanche. Concours de branlette sur YouPorn. Ah là là, là, là ça dérape. Voilà, il y a Amélie, ça dérape. On était dans l'humour, on était dans la. Dans il a mangé kebab hier soir. Mais oui, on était dans la cuisine. Non, non, mais c'est d'ici. Les grandes valeurs de la gastronomie française. Je remercie du Coca, ça se trouve. Combien à cet endroit-là ce petit objet, mais pourquoi j'irais faire ça à cet endroit-là? Alors ça vaut 11,90€. Ouais. Sur quel site? Et sur tasse-toi.com. Comment? Tasse-toi.com. Tasse-toi. Ah, j'avais compris. Casse-toi. Toi.com. Tasse-toi. Comment tasse-toi. Ça s'écrit? Tasse. T-A-S-S-E. Ouais, comme une tasse. Comme tasse. Ouais. Tiret. Ouais. Toi. Casse-toi. Pourquoi t'as envie de te tasser? C'est à côté de Castorama. T'es déjà bien assez tassé comme ça, toi? Non, je fais 1m59. Pourquoi tu prends l'accent chinois quand tu parles comme ça? Bah, je suis très grande. Amélie. Donc, chez tasse-toi.com, ils ne vendent pas que des tasses, ils vendent aussi le pistolet pour mettre des condiments à l'intérieur. Bon, en fait, c'est surtout un truc de cuisine insolite, du coup, en fait. Oh, t'imagines là, en cuisine une bataille de pistolet? Ça fait tasse. Oh, ça serait marrant! Oh, le bordel! Pistolet wasabi. Il est 22h15. On n'a pas fait le record aujourd'hui encore, mais on va le faire dans ça un vient, instant. Ça il sera vient, filmé vient. Et retransmis sur les réseaux sociaux avant cela. On se fait du bien sur Indestar. Allons-y. Je comprends. On ne peut pas qu'il soit là alors. Ah, tu vas faire l'amour à l'ordinateur cette fois. Et coup. Par Wi-Fi. En Wi-Fi. Voici Say It To Me. C'est Anafi sur Indestar. Bienvenue. 21h, 23h. Actu Solite. Votre émission d'actualité insolite. Tout à fait. Et on est là tous ensemble sur Indestar pour Actu Solite jusqu'à 23h grand minimum. Comme avec toujours. Le record. C'est l'heure oui. Du record. Alors Amélie, on est de l'autre côté oui. Hein, dans ce qu'on appelle l'open space de la radio. L'open space. Record. Jolane, Teddy, oui. Toi, et oui. Il en manque un. Antoine. Antoine. On l'oublie à chaque fois. Comment s'appelle-t-il celui-là? On a Antoine. Il est où le petit gros? Bien. Alors, c'est quoi le record de ce soir? Alors en fait, vous allez être en cercle. Oui. Et vous allez. Vous c'est allez la balle au prisonnier, ton truc. On a une balle. T'es obligé de Amélie m'a pincé le bras, cette connasse. Oui, Amélie, on t'écoute. Amélie. Et du coup, oui, bah attends. Et du coup, bah vous allez être en cercle. Mais vous me faites chier, là. Vous allez être en cercle. Vous allez vous balancer le ballon. Vous allez avoir un thème. En gros, imaginons immobilier de maison. Vous allez vous jeter le ballon. Et en gros, tu devras dire chaise, table, frigo et tout. Et le premier qui a perdu s'enlève du jeu. Et du coup, on recommence un thème à trois. C'est bon? Tilté? Ouais. T'as compris? Non, alors j'ai pas écouté parce qu'il me parlait, pardon. On est en cercle avec une balle, voilà. Du coup, vous êtes en cercle avec une balle. Oui. On va vous donner des thèmes là que j'ai dans les mains, j'en ai quatre. Oui. On va vous en donner un. Oui. Par exemple, mobilier de maison. Je balance Anaïs table, je lui balance le ballon. D'accord. À qui tu veux, tu balances le ballon. Ok? Ouais. Mais faut pas que ce soit toujours le même, bien sûr. D'accord. Et du coup, j'ai deux caméras sur moi quand même. Et du coup. Wamel. Mais je vous l'explique depuis tout à l'heure là. Ah, parce que sinon on arrête le record, on passe directement à la musique. Hein. Mais non, mais ce que je vous explique depuis tout à l'heure, tu m'as pas écouté aussi. Hein? Et du coup, en gros, le premier qui perd, parce qu'il a plus rien à dire, s'en va et je vous donne un autre thème. Ok. Donc on reçoit la balle, on doit redonner un mobilier de maison, table, chaise, l'autre fauteuil. T'as un petit moment, genre nous on va compter 3 secondes. Okay. Et si tu perds, bah voilà. D'accord, très bien, c'est compris. Ok. Et du coup, les perdants, on le répète, bah non, pas ce perdant-là, non, c'était pour l'autre, non, je suis donc à chaque fois, s'il y en a un qui ne dit pas une réponse, eh bien on l'élimine directement. Oui, c'est ça. De. Mais moi je peux pas aller bien loin. Hein. Ok, très bien. Alors on se met en cercle. C'est par ça. Contre, moi, si j'ai le micro, je peux pas recevoir. Attends, je vais c'est prendre le Anaïs micro. Anaïs qui va faire la caméra et le micro en même temps. Okay. J'ai peur. Mais il y a Amel aussi. J'ai très peur. Je récupère le micro ou pas? Comme ça, je vous le donne à Furamel. Vas-y. Allez. Moi, je vais courir partout. Attendez, j'arrive. Là, j'ai sur moi. Qui c'est qui veut piocher le thème? T'as qu'à pas dire j'accouche, toi. Tu l'auras pas, du coup. Le premier thème est. Animaux sans plumes. Donc tous les animaux, sauf ceux qui ont des plumes. Ok. On a un grand expert de l'animalerie. Et du coup, moi, je vais devoir courir partout pour vous donner le micro, quoi. Ça va être sympa. Sans plumes, hein. Un tigre. Oui, bah oui. Oui, sans plumes. Ah, un cochon. Un crocodile, pardon. Un chat. Un chien. Un chevreuil. Une tortue. Un cheval. Un serpent. Un cerf. Un alligator. Je sais pas, une girafe. Un caïman. Un dromadaire. Un requin. Merde, je l'avais à l'instant. Comment ça s'appelle? Jolan a perdu. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas. Parce que le pauvre il perd multi-quiz, mais il perd aussi au record. Quoi. Attends, le perdant quand même. Jo, prends un papier. Tu vas nous dire. Il déballe. Je suis épuisée. J'en peux plus. Bah, en plein milieu, tout le monde. Ah, mais. Oh. Putain. Alors. Légumes. Vous devez dire des légumes. Je suis mauvais, j'ai fait dans Get Stars, il y avait les légumes, je sais pas trop quoi là, j'ai mis 20 ans à sortir deux réponses. Bon bah, t'as déjà perdu. C'est parti. Un brocoli. Scorsonnaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carotte. On a dit des légumes qui existent. un petit pois. Melon. Une. Bah oui, un melon, c'est un fruit. Non, c'est un fruit. Je savais qu'on allait perdre Antoine parce que ils sont pointilleux là-dessus. Mais oui, grave. Bah oui. En même temps, ça m'arrange. Bah oui. Non mais n'importe quoi. Mais non. Tiens. Bah oui. Allez, il dépluche. Un pays. Les pays. Attention, il va falloir aller vite. Là, je passe forcément à Teddy. Hein. Alors, la France. L'Albanie. Le Portugal. L'Autriche. La Grande-Bretagne. L'Espagne. La Suisse. La Finlande. La Croatie. La Suède. C'est pas plus chiant comme truc, le Japon. La Chine. Ah non, ça n'existe plus. Le Groenland. L'Ouzbékistan. Aïe. L'Ouzbékistan, non, c'est pas ça. Bon, le Kazakhstan. L'Israël. Ah ouais, t'es comme ça. L'Arabie Saoudite. L'Iran. Le Sénégal. Le Vietnam. En vrai, c'est super chiant, on va y passer 3 heures. Bon, allez, l'Afrique du Sud. Corée du Nord. Corée du Sud. Ah merde, il me l'a piqué. L'Inde. Le pôle Nord. Ah, c'est pas. Oui, oui. Non. C'est là où habite le Père Noël. Groenland, bah oui. Je sais pas. Bon, dans le doute, Canada. Ah ouais, et eh bah les États-Unis. C'est un pays. Mais non, c'est un continent. Eh, je suis peut-être teubé, mais quand même, je connais les continents. Et bah voilà, j'ai perdu. Bah oui, t'as perdu. Si maintenant, elle est 20 ans, record. Franchement, on va dire que le gagnant s'était dit quand même, vu qu'il a gagné. Mais je suis pas sûr que le pôle Nord ce soit un pays. Bah, pour moi, le pôle Nord, si, mais bon, après, je ne sais pas. Mais non, c'est là où habite le Père Noël. Non, il habite pas. Il habite en Laponie, qui est un pays. Oui, mais c'est le pôle Nord, la Laponie. De. Non. Je sais pas. Ah. Alors. Oh là là, mais on se mélange dans ce alors, studio. Pour moi, le coup des légumes était très bien parce que très court. Par contre, le coup des pays, en vrai, on aurait pu y passer notre vie. Non, mais en fait, je connais pas trop les pays. Du coup, je me suis dit, vu que je ne connais t'es pas. Mauvais, Jack. Bah oui, mais vu que je ne connais pas les pays, je me suis dit, bon, ça va être rapide, toi, genre si je suis au record. Non, en vrai, on aurait pu y passer encore 5 minutes de plus. Il n'y a que toi qui as ce défaut. En se concentrant, on aurait pu y passer 5 minutes de plus. Tiens, mon gros. T'as plus de micro, Jojo. Jonathan s'est fait piquer sur Jojo. Par contre. Ah, je crois que j'ai mis sur le côté, non? C'est pas lui qui est sur le côté. Tiens, t'as un micro. Regarde, là, tu parles comme ça. Mais du coup, on aurait dû compliquer la tâche en faisant des passes de merde. Comme je t'ai fait tout à l'heure. On aurait pu. Je t'ai fait une passe, mais en fait, je regardais Jolan, du coup, il s'y attendait pas. Ah ouais, mais j'irais réceptionner. Hein. Oui, tu l'as eu. Parce que je suis bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais abuse pas, ouais, j'avoue là. Ouais. Bon, on écoute J.R. Stephens. Give it up. C'est une originale. Et Raconte-moi une histoire arrive. Alors le principe de Raconte-moi une histoire, hein, vous connaissez peut-être si vous avez suivi cette émission depuis le début. On se raconte une histoire. Oui. On aura encore les ardoises. Mais cette histoire, peut-être qu'elle est vraie. Elle est inventée. Mais peut-être qu'elle est inventée. Et le perdant, ils ont quoi? On sait pas. Ah oui, le perdant ou les perdants. Les deux perdants. Eh bien, ils auront à faire le jingle à la bouche. Avec un mot imposé chacun. Avec un mot imposé. C'est ça. Jingle original. Si c'est Jolan, c'est facile. C'est juste le mot et vous êtes bien sur une des stars. Merci, au revoir. Ouais, mais il sait faire original, Jolan. C'est juste qu'il a pas trouvé encore. Non, c'est qu'il est avec son téléphone en fait pendant la pause. Du coup, il a pas le temps de chercher le jingle. Du coup, il fait limace. Si vous êtes des limaces, vous écoutez Indestar et Actu Solide. Voilà. On se moque tellement. Bon, on les adore. Allez, vous aussi, on vous adore. 21h, 23h. Actu Solite, votre émission d'actualité insolite. Et nous sommes presque au complet. Il manque encore Jolan. Simplement Jolan et sa clé USB. Il cherche son animal encore, ce qu'il a pas trop. Son animal de compagnie, il faut la mettre en laisse. Son zèbre. Ta clé USB. Ça fonctionnera. Arrête, tu lui fais encore plus le seum. Bon, t'as le seum. Un peu, ouais. Bon, non, mais tu veux le trouver. C'est pas la mienne, c'est pour ça que j'ai le seum. Passe une annonce. Recherche clé USB. On a le raconte-moi une histoire dans Actu Solite comme tous les lundis soirs. On a des histoires vraies ou fausses. À nous de les deviner. Ceux qui réussissent bien à deviner si c'est vrai ou faux seront épargnés de faire les jingles à la fin de cette émission et les autres non. Alors. Moi j'en ai une excellente. C'est vrai. Et bah ouais. Allons-y pour l'histoire sur Amélie. Sur Amélie. Sur Amélie. Non, c'est pas une histoire vraie ou faux, mais tout à l'heure en antenne. Faut vraiment que je la balance à l'antenne, ça. Vas-y, fais-toi plaisir. En antenne, je lui ai dit t'es mauvais, Jack. Référence cinématographique à OSS 117. Ouais. Voilà, jusqu'à là, plus ou moins. Et elle me dit, mais attends, Jack, c'est qui, Jack? Non, mais... c'est Anaïs qui a dit ça. Anaïs a dit ça, puis Amélie a dit, mais c'est Jack dans Titanic, voyons. Bah, c'est vrai qu'il s'appelle aussi Jack avant Titanic. Bah, oui. Je suis d'accord. Mais d'où il dit ça? Puis surtout, on s'adresse à Jack, on dit. Mais non, mais si, la ça aurait pu. Quand le. Tu sais, on. À la quand fin, il coule. Oui. T'es mauvais, Jack. Parce qu'on sait pertinemment quand on regarde le film qu'ils peuvent être deux sur la planche. J'ai tu vois. J'imagine bien Rose, mais t'es mauvais, Jack. T'aurais pu venir avec moi tout de même. Oh putain, mais t'es trop con. Ah, ça serait tellement bon. Parfait. Tu vois, on va faire un remix du film. On dépose du coup, voilà, ils sont d'accord avec moi. Bon, ouais. Dis alors, oui. Mais t'es mauvais, Jack. Bon, sinon, j'ai une vraie histoire. Ah, là, les gars. Ah, elle est vraie. Oui. Mais non, mais ça, c'était dit, ça. C'était un piège. Hein. Alors, évidemment qu'il y a des pièges, sinon, c'est pas drôle. Alors. Nous, c'est pas drôle, Cécile, la famille. Trois êtres représentent. Cécile 37. Et la famille du Nord, on se calme direct. Hein. Hey, hey, hey. Pourquoi la famille du Nord? Elle était pas là la semaine dernière. Tu comprendras si t'écoutes le podcast d'émission de la semaine dernière. Fan de tuning. Ouais, et pas que d'inceste. Hein, hein, hein, en mars 2019. Des insectes. En mars 2019, une mère célibataire du Brésil a fait appel à la justice pour réclamer une pension d'un père absent, évidemment. Seul problème, c'est que le père présumé a un frère jumeau. Ouais. Et que l'un et l'autre nient d'être le père. Leur déni de responsabilité a été déjoué par une juge qui a ordonné qu'ils payent tous les deux une pension et soient déclarés parents de l'enfant tous les deux. Putain. C'est bon ça. Est-ce vrai ou faux? Ah, oh, c'est dur ça. Parce que c'est possible mais c'est pas possible. Bah, oh. Mon téléphone, c'est le tien. T'as fait une blague dessus de là-dedans. Petite dédicace à mon fils. Elle écrase mon téléphone, Amel. Non, bravo. J'ai fait tomber sans faire exprès. Ça qui donne de l'inspiration pour inventer des trucs. Bon, et en vrai, pour moi, ça peut être vrai. Bah ouais, c'est ça le truc. Mais avec Teddy, on s'attend à tout. Ouais. Mais je fais une dédicace à mon fils quand même. Pourquoi? Bah, parce que c'est lui père. C'est n'importe quoi. Moi, je pense que ça peut. Moi, parce que c'est une source d'inspiration. Non, il triche. Jolan triche. Il a écrit vrai d'un côté, faux de l'autre. Il tourne son. Non, c'est faux. Non. Mais pas bien. Merde. Bon, du coup, qui a écrit quoi? Moi, j'écris vrai. Vrai. Vrai, vrai, vrai, vrai. Y a que Anaïs qui a mis faux. Ouais. Et ben, attends, c'est quoi? Ah, bah, c'est vrai. C'est vrai. Okay. Merci Anaïs de m'avoir écouté et d'avoir changé ta réponse. Au début, elle avait écrit vrai, et du coup, je dis oh, je fais une petite dédicace à mon fils qui me donne une source d'inspiration. Tu vois, c'est, ça, c'est un discours pour vous mettre et dans qui le dos. Ça me permet d'inventer des histoires. Ça fait changer les faibles. Et tu sais quoi? Le salaud. J'ai même pas écouté ton truc là. Ouais, je sais. Enfin, moi, j'ai écouté, mais je comprenais pas pourquoi en fait. Mais je me suis dit, bon, c'est cool. Parce qu'elle est trop stupide. En fait, c'est parce que t'es intelligente, mais pas tant. T'es juste intelligente. Intelligente, mais pas tant. Bon, j'ai un truc sur le coronavirus. Ouais. Oh non. Moi aussi, alors ça va être cool. Je sais que vous vouliez pas en parler ce soir. Ah si. Mais non. J'en ai un quand même. Le coronavirus, quoi, il pourrit des cérémonies. Ouais. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu cette info. Je sais. Alors, écoutez bien. On est à Wuhan, en Chine, donc à l'épicentre de l'épidémie. Wuhan, ouais. Et Ying et Yang, ou un autre prénom. Ping et Pong. Ping et Pong, ou Tong et machin, décident de se marier. Bah, du coup, elle est fausse. Attends. Ah, c'est pas Ping et Pong. Sauf que, qu'est-ce que vous feriez si on vous invitait en ce moment à un mariage dans cette région? Oh putain. Moi, personnellement, je dis que j'ai piscine, tu vois. Tu mets un masque? Je peux pas, j'ai piscine. Bah, et là-bas, ça marche pas parce que la majorité des Chinois ont pas les moyens d'aller à la piscine. Donc, mais ils peuvent dire autre chose. Il est godin, hein, comme des blagues de merde, écoute. Bref, ils sont pas allés à la cérémonie. Ce qui a pas empêché notre jeune couple de se marier visioconférence. Mm-hmm. Ok. Donc, c'est face à une webcam qu'ils se sont dit oui. C'est face à une webcam qui se sont embrassés. C'est même face à une webcam qu'ils ont débouché une bouteille de champagne pour fêter ça. Problème, ils ont essayé de servir leur invité par webcam, mais on m'a dit à la webcam que ça n'avait pas fonctionné, que ça avait grillé l'ordinateur. Bref, c'est des détails. Est-ce que cette idée de se marier par webcam, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, Je vais suivre les filles et je vais dire que c'est vrai. Mais moi aussi. J'ai que du vrai. Effectivement, vous avez vu l'info à LTA. Non. Mais j'hésite pour j'ai la juste suivi les filles. C'était une vraie histoire. Ouais, bah ça oui, s'est je l'ai passé vu cette moi semaine. Aussi, je veux pas dire, mais c'est un vrai risque de vous suivre quand même. Hein. Donc, c'est pas faux parce que des c'est fois, vrai. On a la bonne réponse. Bah oui, bah justement. Mais pas tout le temps. Donc, voilà. Donc c'était effectivement une vraie histoire. Alors il y a que des Chinois pour faire ça, mais en même temps, on les comprend là en ce moment. J'ai pas eu la pointe cette histoire. Donc c'est pas facile. Ouais, mais c'est pas ça que t'as pris finalement. T'as pris autre chose. Très bien. Jojo. Fais ton histoire. Réveille-toi. C'est ton histoire, Jojo. C'est à ton tour. Moi, je dis vrai. Antoine, on t'entend pas sans micro. Putain. Alors, ça se passe à Marseille. Antoine, il fait une émission de radio sans micro. Voilà. C'est ça. C'est un nouveau concept. Non, c'est pas grave, comme ça, on l'entend pas. Ouais, c'est tranquille. C'est pas... Bon, ça change pas. Hein. Je peux l'éteindre de toute façon. Il utilise plus de piles qu'autre chose. Ça se passe à Marseille. Ouais, dans le 13. Dans le 13. Ouais. La police donne l'assaut sur une maison animalier. Où des jeunes jouaient à la guerre. Alertés par des voisins inquiets d'entendre des cris et des coups de feu, les policiers de Marseille sont intervenus dans une maison le lundi 23 décembre. Les trois jeunes gens ont été neutralisés en train de jouer avec des armes à comprimer. Il fait des copier-coller. Tu peux nous lire ton histoire avec un peu plus de... Comment dire de... D'entrain. D'entrain. Oh, moi, je te dis, t'as ton truc, alors, tu te démerdes, c'est vrai ou faux. Les policiers, le 23 décembre, ont pénétré dans la maison avec les armes et les deux protagonistes se sont fait attraper. C'est trop monotone, c'est ennuyeux. Ta gueule, toi. Alors, donc, non, c'est réaliste. Il y a toutes les semaines avec Jojo, il y a des policiers. D'accord ouais. Ou des pompiers. Ils les aiment, des, les flics. Des ils aiment les flics. I love poulet. Faites attention, on a peut-être un qui nous écoute. Bah oui, certainement même. Mais c'est sûr, Fabien, c'est un. Ah, Fabien, c'est un poulet. Okay. Si je me trompe pas, oui. Alors, donc, Jojo, pardon. Il fait des big ups d'ailleurs, hein, et on ne dit rien d'illégal. Absolument pas. J'ai fumé hier soir. C'était une vraie histoire. Alors, vas-y, termine ton histoire. C'est pour ça que j'ai mis dans un son monotone, c'est pour tout, pour tout. Un, deux, trois. Pour vous berner. Ah, mais tu donnes la réponse, là hein. Oui, mais bah, c'est faux. C'est faux. Ah, mais on a pas encore. Bah, j'avais remarqué. Mis faux, mais ça si. Tombe bien. Ouais, c'est ça, ouais. Je t'ai vu mettre vrai. On allait tous mettre vrai en vrai. Mais non, mais j'allais rien mettre là. T'allais mettre quoi en vrai? Mais je sais pas, parce que j'attendais la fin de son histoire. Ah, t'es déjà fini? Ah, moi je pense qu'elle était pas finie encore. Bah non. Bah si, mais elle est courte. Bon. Bah non, j'ai rien mis. Bon, alors, écoutez, pis, on se donne pas le point. Bah c'est pas. Bah non, tant pis. Bah sérieux, on se donne pas le point. Bah non, on se donne pas le point. Sérieusement, vous imaginez. Super play, je me donne pas le point non plus. Et 80 ans, il a quand même assez de réflexes pour lui quand même. Je veux dire, vous avez pas tilté à quel moment la police intervient parce que des enfants jouent à la guerre? Bah parce que c'est toujours vraiment. Bah si, y a tellement des cons sur Terre. Ouais. Puis je dois t'avouer, j'ai fait un tournage ça où on avait des répliques. Donc... À Marseille, quand ils jouent à la guerre, ils jouent à la guerre. Ah oui, après Marseille, c'est un peu chaud. Mais... j'ai rigole, fait un tournage dans le coin, dans la région, où que, justement on jouait dans une usine désaffectée. Qu'à côté, il y avait des voisins, c'était en pleine ville. Ouais. Et bah la grand-mère, au début. Elle a flippé. Bah ouais, on avait des fusils de airsoft. Ah bah ouais, ah ouais c'est très ressemblant. Ouais. Et du coup, j'ai été la voir, j'ai dit non, mais vous inquiétez pas, c'est pour un tournage, c'est tout à fait professionnel, nous avons les autorisations. Et elle a. Elle est partie en courant. Oui, sans problème. Moi, un jour, j'ai joué. On t'entend pas, il a éteint ton elle micro. Elle a eu peur. Ah, du coup, t'es dit. Il a éteint mon micro, lui. T'es dit, elle a eu peur, du coup. Hein. Oui, ouais, bah, mais... ouais, bah, au début. Coup, tu... ouais, c'est tu la vois avec des flingues, elle voit pas très bien. Donc, t'as joué dans une usine désaffectée, toi. Oui, mais c'était pas pour jouer, c'était pour un tournage. Ouais, moi, j'ai joué mais dans une usine désinfectée. Vous avez passé du monde propre partout. Bon. Mais putain, c'est dans Caline, on s'en bat les couilles. Stop! Antoine veut parler. Oh! Alors, Antoine, t'as une histoire. On veut pas l'écouter. Non, mais avant, je voulais passer une histoire qui m'est arrivée à Paris avec des trucs contrôle de gendarmerie comme ça. Mais on veut pas. Et en fait, tu vois, on faisait de l'airsoft. Ouais. Et on quittait une forêt pour aller dans une forêt. Bah, avec une réplique à la main. Ouais. Mais arrête-toi! Et en fait, le seul bémol, c'est que les filles sont passées au même moment. D'accord. Donc, il aura un petit contrôle. Ah bah ouais, forcément, tu vois des gars armés. Ouais, okay. Mais est-ce que vous avez le droit, au moins? Bah oui, après, tu remontes que c'est des faux, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais du airsoft, t'as pas le droit d'y jouer n'importe où. Oui, ouais. Mais c'est un terrain privé, c'est un terrain... Non, t'as dit que tu sortais d'une forêt pour aller dans une autre forêt. C'est... T'as traversé la route, genre. Ça, oui, ça... Ouais, route publique. Oui. On est d'accord, t'aurais pu te faire arrêter. C'est... Oui, mais en fait, tu... Ils auraient pu te faire chier, genre, t'es sur la route. Oui, mais en fait, tu veux, demande que t'as pas le chargeur engagé. Demande que t'es en sécurité, c'est bon. Et ils étaient tous en sécurité. Oui, on était tous en sécurité et pas de chargeur. Donc, oui. Je m'en fais qu'ils ont traversé comme ça. Ouais. Mais non, je t'aurais mis en tôle. 20 ans. Le mec, horreur des joueurs d'airsoft, tu sais. Allez, 20 ans. Puis je vois bien le mec, genre, il s'arrête devant la route, il décharge, il met sa sécurité. Il traverse sa route, il remet la sécurité, il remet son chargeur. Mon cul, oui, il traverse. Ouais, j'avoue. Bon. Mais non, mais c'est bien si vous étiez tous en sécurité. Histoire d'Antoine. Oui. Ouais. Ouais, ça se passe en Belgique. En une fois. Je peux pas m'empêcher de la faire. Encore des frites. C'est moi, t'as fini? Oui. Donc, nous en France, on a les, Miss France. Ouais, là-bas, et là-bas ils ont les Miss Belgique. Bah, c'est logique. Les Miss Belges. Ah, oh, c'est horrible. Avec la bière à la main. Là, c'est la candidate belge qui, en marchant, elle a fait tomber son soutien-gorge. En marchant, elle a fait tomber son soutien-gorge. Elle a transpiré de l'huile de friture. Oui, en gros, toi, elle a trébuché en fait, elle a fait tomber son soutien-gorge. Mais c'est pas possible, non, c'est impossible. Mais elle a continué. Elle était en sous-vêtements. Bon, vous mettez terminé l'histoire ou pas? T'as déjà vu des Miss? Elles sont toutes plates. Oui, mais elle était en sous-vêtements ou pas? Oui, elle était en sous-vêtements. Ah bah voilà, si tu dis qu'elle a été en robe, c'est pas possible d'arracher son soutien-gorge en même temps. Je t'ai dit qu'elle était. Non, t'as rien dit. Oui. À quel moment les Miss se baladent en sous-vêtements? Bah, ils font défiler. Quand il y a les maillots de bain, par exemple, à ce moment-là, ils sont en sous-vêtements. Ouais. Enfin, ah, mais c'est en maillot de bain. Ouais, mais c'est deux pièces. Ouais, voilà. Donc au final. C'est un haut. Oui. Bon, bref, elle a fait tomber son. Bon, après, Antoine, les maillots de bain. Elle a fait tomber son soutien-gorge. Donc elle a continué quand même à faire son défilé, en souriant et machin. À poil. J'ai les tétés qui pointent. Ouais, mais elle est plate, de toute façon, ils font du A ou du B. Mais elle a quand même, gagné les élections Miss Belge. Ah bah parce que forcément. À ton avis, pourquoi? Là en vrai tu mets le doute là. Vas-y, je vais mettre vrai. Le doute m'habite. De ouf. Attendez, je réponds, hein, je réfléchis, je me concentre. Théo qui réfléchit. Non mais oui, ça m'arrive. Bonjour, t'arrêtes de tricher, je te vois, et putain tu es faux vrai. Bon, tu choisis, Jo. Ah, mais il marche pas. Attends, je marque parce qu'avec un vrai stylo. Il est pas mieux, je crois, le mien. Bon, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Justement, il y a ma tête. Alors, ton histoire, il a mis fou, Jojo. Regarde, il fait un feu, ce bâtard. Mais, t'as vu ou quoi, il fait un feu, ce bâtard? Non, pas du tout, c'est de la radio, ça s'entend pas. Ça se voit pas. C'est bon, je peux dire la réponse? Ouais. Oui. Bah, c'était vrai. Oh, ok. Wouhou! Ouais, ça va être à moi le jingle là. Toi, j'ai pas compté mes points. Et à Jo la nana. Non, pour l'instant, j'ai que deux bonnes réponses. Hein. J'en ai qu'une. Oui, on compte jamais ses points, c'est ça qui est bien. J'en ai trois. Alors. Punaise, c'est encore moins quoi. C'est à Anaïs. Oui. Magnifique histoire d'Anaïs. Alors, c'est à Hong Kong. Ouais. Alors, récemment, bah, on sait qu'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place pour éviter que ne se répande le coronavirus. C'est ça. Le coronavirus. Coronavirus. C'est le ninja. Le quinoa. C'est dans un mouton. Et le quinoa virus, c'est le problème des bobos à Paris. Ah, problème des bobos. Et donc, il y a eu une rumeur disant que le transport de fret, donc c'est un transport de marchandises. Ouais, exactement. Donc en gros, il va transporter du PQ, des pâtes, des réapprovisionnements, etc. Et donc il y a une rumeur comme quoi il n'allait pas passer. Parce que coronavirus. C'est ça. Ouais. Et puis du coup, il y a une rumeur donc comme quoi il y aurait une pénurie de PQ. Donc les Hongkongais, ils ont pris peur et ils sont gays. Mais non, c'est les Hongkongais, c'est les habitants de Hong Kong. Et donc ils ont pris peur et puis il y a certaines personnes qui ont été dans les magasins pour prendre plusieurs, voire plusieurs, caddies de PQ. Du coup ils sont tombés en pénurie. C'est ça, faut pas avoir la gastro. Non, c'était une rumeur. C'était une rumeur, il y a tout le monde qui a été chercher du PQ. Et bah du coup ils étaient en pénurie. Non. Ils se sont battus pour le PQ autant que pour nous les pots de Nutella. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et il y a beaucoup de faux. Hein. Moi je dis vrai. Moi je dis faux parce qu'elle dit que c'était une rumeur. Ah ok, je suis la seule. Y'a faux, vrai. Vrai. C'était vrai. Sérieusement, c'était vrai. C'est vrai, y'a eu la. T'as eu trop d'hésitation, moi j'ai mais ouais, carrément. C'était la rouée vers les papiers toilettes. Voilà. Petite. Ouais. Non, d'accord. Mais allez-y, parlez pas, hein. Ça bon. Fait un blanc, mais c'est pas grave. Et bah j'ai toujours deux. Bah vous êtes dans la merde, on est quatre. Moi j'ai deux aussi. Oh là. On est tous passés? Ah moi, non, y'a Amel. Tu l'as fait, Théo? De quoi? Ouais, j'ai fait. Ah bon? Bah oui, le coronavirus. Le coronavirus encore. Ah oui. Vous y avez tous trouvé. Ah, moi j'ai parlé de fièvre. Vous aviez eu l'info. Alors, j'ai des papiers qui sont tombés sur moi, ça m'a stressé. Dans une ville à l'ouest des États-Unis. Anaïs est sous le bureau. Une chèvre a été flashée à 45 km/h au lieu de 30 km/h. Une chèvre, bah oui. Une chèvre. La chèvre a été récupérée par la police qui ont vécu une heure de délit de fuite et quelques bleus à cause des cornes. Après l'avoir ramené au poste, ils ont retrouvé le propriétaire. Et le propriétaire devient responsable alors des actes commis par sa chèvre. Ouais, il en court gros quoi. Il y a un truc qui me gêne là. Comment la chèvre peut circuler à 45 km/h? Bah, en fait, elle était sur la route et du coup, le radar l'a flashé. À combien? Tu te rends compte qu'une chèvre ça court pas même à 30? Comment une chèvre peut courir à 40 km/h? Alors là, bande de mythos, j'ai une chèvre chez moi, j'ai deux chèvres chez moi. Elle court pas à 40 km/h. Sur ma vie, qu'elle court super vite. Ouais, super vite. Mais même si elle court à 20, elle court bien plus vite que toi. Un humain ne court même pas à 20 km/h. Usain Bolt, c'est 11-12 km/h. Mais elle court super vite. À 18, je crois. Quoi? Ouais, non, ça, c'est sa pointe de vitesse. Ah oui. Il peut courir comme ça sur le 100 mètres, mais ouais, pas sur 1 km. Non, mais t'as raison. Mais, c'est impossible. C'est pas possible qu'une. 40 km/h, t'imagines? Ouais. Non. C'est pas un guépard. Tout le monde a mis faux. Ouais, c'est faux. Bah ouais. Mais en vrai, je suis reparti sur une base qu'un pigeon s'était fait flasher à 45 km/h. Putain, mais un pigeon, ça vole. La différence entre un pigeon et une. Oui, mais attends, un pigeon se fait flasher. T'as déjà joué au Midborn? C'est comme si tu dis. Alors, il y a une Twingo qui était sur l'autoroute à 400, tu vois. C'est pas viable. Alors certes, c'est un animal. Arrête, moi j'ai pas fait du copier-coller. Pour ceux qui connaissent, le Milborn, c'est un vieux jeu. Oui, j'adore. Mais non, tu rigoles ou quoi? Pourquoi un jeu de boomer? C'est un super jeu, c'est un jeu à l'ancienne. Tout le monde joue au Milborn. Ou que sur les anciennes cartes, avant, tu vois, il y avait des kilométrages. Oui. Et sur le 110, qui était le plus haut score, je crois, t'avais des hirondelles. Oui. Les hirondelles, parce que non, ça t'as 200, c'est 100 et 200. T'as oui, 25, oui. 50, ah, 75, ouais. 100 et 200. C'est vrai, putain. Bah oui, attends. C'est tellement vieux que je m'en rappelle pas. Mais non, mais j'adore le Milborn. Et bah voilà, l'hirondelle, il y avait 200 pour montrer que les oiseaux ça peut aller vite. Oui. Je pense pas que ça va à 200 km/h non plus. Mais non, y a pas de chèvre. Mais. Bon, ça fait combien? Mais lol quoi. Moi j'ai 4 points. 3. 3. 4. 2. 2. Et bah on sait qui va faire les jungles. Et non, moi j'ai les mots. On est à égalité tous les deux. Bah, toi t'avais pas compté tes points tout à l'heure. Si, je les ai comptés tout à l'heure. C'est que non, t'es jamais affiché. Non, mais t'as 3. Moi j'ai 3. Hein. Oui, donc t'es dispensé de faire les jungles. Oui, j'ai les pas. Mots. Anaïs, tu devras composer avec compote de pommes. What the fuck. Ça fait 3 mots ça. Et Anaïs. Et Teddy. Non, Anaïs, parce que Teddy t'as 3. Oui, non, mais ça fait 3 mots, compote de pommes. Oui. Non, mais oui, mais non, Teddy il a 2 points. Il a 2. T'as 2 aussi. C'est moi qui a 3. Ah, pardon. C'est une merde comme moi. Donc compote de pommes pour Anaïs et. Et Teddy le Kama Sutra. Facile. Oh là, il a eu un grand sourire là. Ah ouais, il s'est dit qu'est-ce que je peux en inventer des jingles, j'en ai jusqu'à la fin de l'année, il dit comme ça. Lequel ça. Bon, alors vous l'avez compris, avant la fin de l'émission, tous les nouveaux jingles que vous entendrez seront entièrement constitués de la bouche d'Anaïs ou de Teddy. Ah, oh, c'est bon comme son ça. Voilà. En attendant, on a du son. Je chante la France, Paolo Monti. Et dans un instant, c'est nous qui allons chanter la France avec notre chanson d'ActuSolite à découvrir comme chaque semaine dans ActuSolite. Non, mais c'est trop d'ActuSolite là. C'est vrai que ça fait beaucoup d'ActuSolite. Insolite, ouais. Allez, trop. Encore une, ActuSolite. Bonsoir mes petits loulous. Il est maintenant 22h54, bientôt. Vous êtes sur Indestar, vous écoutez ActuSolite, votre émission préférée, jusqu'à minimum 23h. Bon, bien sûr, on sera encore un petit peu en retard. Mais j'ai faim. Vous aurez pas une petite compote de pommes? Vous aurez pas. Vous aurez pas une petite compote de pommes? Vous n'avez pas. Les deux. Ah, en les fait, deux. Mon capitaine. C'était bof parce que du coup, t'as vraiment repris en fait tout sur ActuSolite et du coup, en fait, t'as juste. Mais tu veux que dise quoi? Mais moi, j'aime bien. Merci. C'était. Oh, et un. Oh. C'était mignonné. Franchement, okay. Non, c'est pas du violon. Ni ça change de jeu là. Ni du violoncelle qui court le moins vite. Attends, ça se passe, j'y mets tout mon amour. Ouais, elle a mis tout son amour. Comme nous avons mis notre amour et dans surtout le tien, Anaïs, puisque c'est toi qui as écrit cette chanson. C'est moi qui l'ai écrite. Ça se voit, vous allez voir, c'est très nul. Ça se voit parce qu'il n'y a pas de rime. Mais attends, mais t'es sérieux là? Non, bah non, oui. Il n'y en avait pas de base sur la musique? Non, genre. C'est dur. Non, il n'y a pas de rime sur la musique. C'est dur à trouver. Je peux te la chanter la musique, alors, j'ai collé. Musique originale de Michel Delpech, oui. Ah, qui s'appelle Quand j'étais chanteur. Oui. C'est ça. Et nous l'avons repris Quand j'étais tout seul. C'est ça. C'était avant quand il n'avait pas d'enfant, par exemple. Voilà. On l'a répété une fois et encore, nous n'étions pas toute l'équipe. Donc on est désolé si c'est un peu dans tous les sens. Non, hein, mais c'est pas le genre de la maison. En principe, on absolument fait. Absolument pas. Absolument. Oh putain, bien. Il m'a fait peur, le con. Alors, il est là tu dis ça parce que t'as Joachim qui tourne dans les studios, c'est ça? Bah oui, mais j'ai tourné comme ça d'un coup, il fait oh putain, c'est qui? Oui, mais elle a pas dit Joachim, elle a dit le con. Quand on t'a précisé. Attends, Joachim a dit c'est un peu la même chose. C'est celui qui. Il s'auto-insulte. Voilà. Bon, chanson dans ActuSolite, Quand j'étais tout seul. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Oui. Non. Ouais! Hey, est-ce que vous voulez qu'on mette un petit peu de réverb pour vous? Non. Oh. Non. Ah non. Non, c'est chiant. C'est quoi les réverbes? C'est qu'on commence à moitié quand ça fait écho, écho. C'est ça. Écho! Écho! Juste léger. Attention. Ah, mais très très léger. Hein. C'est parti. Attends, on va reprendre au départ. C'est toi qui prends le Attends, c'est chiant parce que j'ai pas le son, moi. Ta gueule. 3, 4. Ah, la violence. J'ai pas le son. J'ai des enfants chiants qui deviennent lassants. Mes pauvres gamines. Gamines. Encore plus de 20 ans. Et je vous fous dehors. Pour être enfin tranquille. Je sortais déjà plus. Quand j'étais tout seul. Seul. J'avais des amantes. Une petite maison. Plein d'économies. Sur mon compte bancaire. J'adorais la vie. La vie, la vie. Avant votre naissance. Je me mariais avec Odette. Quand j'étais tout seul. Attends, c'est refrain. Non. Un soir à une fête. J'ai croisé Odette. Odette, ça marche. Alors. Puis on s'est mariés. Tout près. Oula. Dans un monastère. Elle s'est sentie seule. Elle voulait être mère. Mère. Par tous les moyens. Mais moi je préférais. Quand j'étais tout seul. Seul, seul, seul. Mes pauvres gamines. Gamines. Encore plus de 20 ans. Et j'espère que vous serez partis pour de bon. Bon. Je prie pour qu'un mafieux puisse me libérer. Pour moi les enfants, c'est fini. Fini. Il rote, il pète, il chale tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça détruit ma vie. Et ça détruit ma vie. Et ça détruit ma vie. Ça y est, il est parti dans la carrière. Je crois qu'on mériterait un Oscar pour ça. Ça détruit ma vie. Ma vie. Ma vie. Détruit ma vie. Ma vie. Oh punaise. Ça détruit ma vie. Attends, il ma vie. Ma vie. Hey, jolie, non. Jolie sœur de ce corps. T'as même une guitare là. Ça détruit ma vie. Pas bien. Ça m'a tout détruit. Parce qu'avant j'étais bien quand j'avais. Et puis après bah, c'est arrivé. Je l'ai pondu et puis. Raoul est arrivé, il a changé ma vie. Raoul. Je peux même plus jouer à la PlayStation, j'ai plus le temps, je sais pas, je vais craquer, je peux plus. En vrai tu peux jouer avec. Avec ça, le gosse ou avec ouais, la PlayStation. Ça fait un happy ending. Ah t'es con. Ah là là là là, quand j'étais tout seul. Voilà. Une bien belle chanson signée ActuSolite. Que vous retrouvez peut-être un jour dans les qui bacs. Qui l'a écrit cette chanson? C'est Anaïs. Putain, t'adores les gosses. Je crois qu'il y a une violence du truc. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien, j'adhère. Nouvelle chanson à découvrir la semaine prochaine dans ActuSolite. Ouais, Amel. Je pense que cette musique, on va peut-être la refaire parce que je pense qu'en podcast, on va rien comprendre. Bah, moi perso, j'ai le rythme. Hein. Genre, j'étais peut-être toute seule. Non, mais attends. Tout le monde non, attends, moi j'ai le rythme. Hein, ok, c'est vous qui êtes pas dans le move. C'est normal. Attends, bah, attends, attendez, juste une chose. Genre, le tout près que j'ai dit. J'étais vraiment dans le rythme, genre c'est vous qui étiez t'es parti 10 minutes avant tout par le monde. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, tu nous as sauvé la vie. On n'avait pas vu le verre d'après et heureusement que tu l'as commencé pour qu'on puisse le finir. Et toi, tu t'es pas planté à un moment dans une phrase? Non, c'est moi. Ah non, je crois pas. C'est non. Moi. Et mais les gens, vous savez pas lire ou quoi? Non, mais voix. C'est... En même temps, c'est mal écrit, il manque des virgules. Attends. Il manque un point virgule à un moment donné. Et pourquoi ça vous a tous fait rigoler quand tu dis les phrases à la main? Parce que t'es faux. Parce qu'on t'avait dit de pas le faire. Aïe, mais c'est stylé de dire les mais mots. Mais non, absolument. Ça t'a fait marrer, surtout toi en fait. Ouais, non, t'as rigolé. Non, t'étais mort t'as de rire. T'as rigolé. Non, mais rigolé. Non, mais en fait, un sourire. Les auditeurs vont dire, mais elle est casse-couille celle-là, répétez. Ah, oui. Entre ce qu'on a là, il était une fois la vie, avec pas... la vie. C'est vrai, j'avoue. C'est cru dans la vie. Il était une fois la vie. Bon, on aura une nouvelle chanson à vous chanter la semaine prochaine, mais en attendant, on a de la vraie musique sur Indestar. Et ensuite, manifestation insolite. Exactement, un petit peu de rock and roll, les Time Awards avec Wasting Time et la manifestation insolite de la semaine pour terminer l'émission d'Actu Solide de ce soir, qui normalement finit à 23h, mais il est 23h01 et nous n'avons pas fini parce que nous sommes trop. Vous êtes sur Actu Solide et pour cette semaine de la Saint-Valentin, on célèbre l'amour, le sexe et même le Kama Sutra, le livre préféré de Théo. C'est ça, Actu Solide, l'esprit Actu Solide. Maintenant, sur Indestar. Il est lourd. Pourquoi pas? Bah, c'est mignon, les bruitages. C'est surtout que c'est toi que j'ai clashé dans ce petit jingle. Bah ouais, je sais. Mais faut me célébrer. La seule lecture qui... On termine l'émission d'Actu Solide, comme chaque semaine, par la manifestation insolite de la semaine. Et c'est Amel qui a été la chercher. Comme d'hab. C'est pas faux. C'est normal. C'est souvent, effectivement, c'est souvent dernière. Toi. Qu'est-ce que tu as été nous trouver? La fête des harengs? Mais non, du coup, je me suis dit, on va faire sur la Saint-Valentin, tu vois, sur le thème et tout. Sauf que moi, tu me connais, les Saint-Valentin gnangnan, restaurant, bouquet fleurs, patati patata. Alors, on en parlait hors antenne tout à l'heure de la Saint-Valentin. J'ai cru qu'on balançait quelque chose. Et Amel nous a dit, il me faut un collier, une bague, etc. Des choses. Non, j'ai dit un collier, un bracelet. Un bracelet, pardon. La fille superficielle. Et attends, et je dis, qu'est-ce que tu as offert, enfin qu'est-ce que tu vas offrir en retour à ton mec? Ah, un truc à 2€ que j'ai acheté dans mon magasin. Voilà. Heureusement qu'il écoute pas c'est la radio. C'est ce qu'on appelle l'égalité des sexes. Non, putain, je lui ai offert un je lui ai offert un resto la semaine dernière. Ouais, tu lui as pas offert le resto, tu lui as juste offert le repas. Non, le resto. Non, le repas. Tu lui as offert le repas, tu lui as pas acheté. Ah, encore. Un repas dans attends, un resto. Attends, resto c'est quoi? C'était la boucherie. Oui bah attends, je pensais que c'était le McDo au départ. Ouais, j'y ai pensé aussi hein. Ouais. Mais quoi, c'est très bien la boucherie ça. Ouais, non mais c'est bien. C'est un restaurant de viande très bien. Moi j'ai fait McDo une fois. Ouais. Moi j'ai invité une fille un jour à la boucherie. Je me suis pris un vent. Elle était végétarienne. Chien. Voilà. Sinon, donc la manifestation solide de la semaine sur la Saint-Valentin. Quelle est cette magnifique soirée que tu nous proposes? Et bah du coup, on va partir à Paris. Ouais. Et du coup, on va aller au manoir. Ah non, pas encore. Au manoir de Paris. Qui sera plongé entièrement dans le noir. De 18h à 22h. C'est quoi le manoir de Paris? C'est un manoir. Et qui est à Paris. Il est où dans Paris? Non, bah, il sait, genre bah, le Paris, manoir de Paris. Évidemment, c'est le manoir de Paris. Genre, Paris, il n'y a qu'un seul manoir. Comme on peut dire, il y a la Tour Eiffel de Paris. Il est dans le 8ème. Il y a le triomphe de Paris et il y a le manoir de Paris. Bah oui, évidemment. Des merdes. Dans quel département? Et bah, tu vas sur Google. Département 75. Non, en vrai. Et toc. Ah si, 18 rue du Paradis. Ah voilà. 75 010 Paris. 10e arrondissement de Paris. Si, si. Yes. Si, si. Yes. Represent. Tu vois, l'avais. Tu viens d'où? Oh, je viens du 10e, frère. C'est un quartier assez huppé, le 10e arrondissement. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pris cet accent. Bah, c'est quand même mieux que je viens de Courset, quoi. De Courset? Ouais. Ah, ouais. C'est où Courset? C'est quel arrondissement de Paris, ça? Est-ce que je connais Courcelles? C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon. Et du coup, en fait, le manoir est plongé dans le noir. Ouais. Et on vous raconte des légendes effrayantes qui s'est passé à Paris. C'est pas très romantique comme ça. Ouais, c'est pour ça que je te dis, si vous en avez marre d'être romantique, c'est original. Putain, mais quel... On est dans l'originalité. C'est une sortie insolite. Bah oui. Jolan. Si tu as pas un restaurant. En fait, ils font ça pour la Saint-Valentin et pour Halloween, ils font des trucs d'amour. C'est ça. C'est ça l'insolite. Halloween, c'est ça, tu vois, c'est toutes les positions du Kama Sutra habillées en fantôme. Et du coup, la Saint-Valentin, c'est un sujet à parler avec dans VTC. On va en parler. Ah, tu prends les transports en commun? Enfin, les. Ouais. Les transports en commun. Non, comment les Uber? Les métros, Uber. Hein, les VTC. Pardon. Vita bon, Conso le vendredi. Ouais. On continue. C'est l'abréviation. Ensuite, du coup, vous avez un parcours d'orientation horrifique. Ouais. C'est vraiment, et en fait, c'est vraiment Halloween, un peu comme si tu étais dans un magasin de jardinage ouais. Et ils te vendaient, ils te vendaient des automobiles. Tu vois, c'est un peu le même délire. Mais justement, c'est insolite de faire ça. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, bah ouais, mais en fait, t'as juste à changer le titre et c'est bon au final. Tu t'appelles magasin de voiture et c'est bon. Faut vraiment être con. On dit, oh, on va faire insolite à Saint-Valentin, on va tout faire sur le thème d'Halloween. Non, mais ouais. Non, et mais du pourquoi coup, pas. Vous avez juste un bâton lumineux par groupe. C'est Halloween Star Wars. Je suis ton père. Il y a beaucoup d'obstacles. Ah bon, mais du coup, c'est de l'inceste. Miguel du Nord. Oh, il est fatigant. Pourtant, vous êtes du Nord, vous devez savoir. Et du coup, vous avez des personnes déguisées en monstres qui essayent de vous capturer. Et du coup, bah, c'est le tarif, il est entre 29 et 39 euros. Et pas vous d'y aller parce que vous êtes à Saint-Valentin, à l'amour. Il y a même pas de dîner compris. Non. Oh, les bâtards. Même pas un petit sandwich. C'est vraiment une arnaque. Ah, tu te le fais au pire. Ouais. Bah, pour 30 balles, il pourrait l'offrir. Hein. Non, mais après, pourquoi pas. Non, mais non, c'est que c'est le manoir de Paris. C'est une soirée originale. Cela dit, pour la Saint-Valentin, vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant, parce que déjà, ça va être blindé. Non, mais tu vois, là, moi, par exemple, je vais faire une petite parenthèse. La Saint-Valentin, je considère, 1, 2, 3, je considère ça comme Noël. C'est de la... C'est comment dire... Fête commerciale. Voilà, c'est ouais, ça. C'est ça. Commercial. Mais en fait, quand tu regardes, toutes les fêtes commerciales, en non, fait. Pas tout. La fête des pères, la fête des mères. Pâques, c'est pour acheter des chocolats. Truc des mères, c'est pour acheter des cadeaux pour sa maman. Ouais. Truc des pères aussi. Non, mais c'est la Saint-Valentin, c'est de la surconsommation pour rien. Il n'y a pas un jour dans l'année où tu es forcément plus heureux que d'habitude. Et bah, il n'y a pas un jour dans l'année où tu as envie d'acheter un cadeau à ta mère. C'est pour ça que ma copine, je lui ai jamais rien offert. Mais t'as une copine. Et maintenant, c'est pour ça qu'elle m'a quitté. Si, t'as fait du travail ou t'offres aucun cadeau? Ah, ah ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est ton patron qui t'offre un cadeau. Non, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste que la Saint-Valentin. Non, mais bien sûr, c'est des. Ça reste un jour comme un autre. Oui, mais, et je vois oui, pas mais dans ces cas-là, Noël aussi, c'est un jour comme un autre. Ah, oui, vu qu'on peut offrir des cadeaux quand on veut. C'est la base, je crois, du jour commercial. Ouais. Et c'est vrai qu'il doit rentrer dans le top 3 Noël, Saint-Valentin et genre Pâques. Ouais. Ou Halloween aussi. Halloween aussi, faut acheter des déguisements et tout. C'est fait commercial. Mais Halloween, t'as un autre concept aussi. Ouais, mais ça se perd. Tu fais ton propre déguisement aussi, qui est de plus en plus en vogue. Mais généralement, les gens ils se font pas chier. On l'achète direct. Halloween, c'est moins populaire que la Saint-Valentin. En France, oui. Ah bah oui. Après, genre, ça veut rien dire. C'est pas forcément les mêmes tranches d'âge, tu vois, des personnes. Ouais. Donc ça veut rien dire, non. Ça. Non, mais en France, c'est quand même moins populaire. Après, aux États-Unis, t'as Halloween, t'as Thanksgiving. C'est un autre level aux États-Unis. Ouais, non, mais carrément. Après, oui, non, ce que je voulais dire, c'est que la Saint-Valentin, on n'est pas obligé d'aller au resto avec sa copine, machin, etc. Ceci, cela. On peut très bien se faire, je sais pas, des pâtes au beurre. C'est génial. Avec des pâtes au beurre. Ah oui. Une soirée glace, Netflix. Ouais. Non, si tu veux faire plus romantique, tu cuisines toi-même. Ouais. Ouais, alors ça dépend de son niveau de cuisine. Non, mais si t'es cuisson. Non, mais si t'es prends des cours avant quand même. Si t'es cuistot, y'a pas de problème. Ah bah, monsieur est cuistot alors. Tu sais que t'as pas besoin d'être cuistot pour pouvoir cuisiner. Non, mais, ouais. Non, mais je sais non, mais des vrais plats, pas des nouilles. Je sais faire des pâtes au beurre. Merde. Voici vos nouilles sur des plats. Des je sais faire des patates, ça compte. Ouais, non, des patates à l'eau. C'est bien parce que moi j'ai du mal avec les patates. Ouais, non, mais en vrai. C'est vrai ouais, elles épluchées. J'ai un problème avec l'épluchage des patates. Enfin, on en parlera peut-être hors antenne parce que ça va intéresser personne. Oui. Ouais, mais en vrai, pour revenir à ton truc là, je pense que pour avoir un petit peu d'adrénaline, ça pourrait être sympa. Ouais. Mais par contre, me prenez pas dans l'équipe. Ah, j'y ai pensé. Me prenez pas dans l'équipe. Bête, parce que comme ça, la meuf, c'est une flippette. Bah, ouais. Moi, je suis une grosse flippette. Et moi. Tu la colles. Et du coup, genre, bah, moi, je colle mon mec toute la journée. Du coup, pendant 2 semaines. Ils vont baiser dans le manoir, tu sais. Pas dans le noir, non. Non. Bah pourtant c'est ce qu'il fait tout le temps. Allez, t'en sais rien hein. Demande à Antoine. Ah il préfère dans le noir hein, je te rassure. Quoi demande à Antoine? Non mais vous avez pas fini. Mais c'est ton frère. Mais non mais demande à Antoine. Je te dis il vient du nord. Arrête. Mais j'ai fait le train fantôme là. Tour là la je fête. L'ai fait dans le noir. Ah tu penses ouais. Là je crois que c'était. Et tu l'as fait avec ça moi. Ça a dû être rapide hein. Elle l'a fait avec moi. Elle l'a fait avec moi le train. Ah bon? Ah oui, le train. Ah oui. Putain, on apprend des choses. Elles sont lesbiennes et sœurs. Ah mais tu me dégoûtes. Mais arrête. Mais t'imagines les gens. Le Nord est avec nous. Est-ce que vous êtes là, le Nord? Ouais. Pourquoi c'est et toi qui rigole, dis oui? On rigole. Y a pas que dans le Nord. Y a pas que dans le Nord. Mais ils sont quand même bien concentrés. Mais non. Non mais t'étonnes pas si t'auras un bleu à la. À la fin de l'émission. Il prend pour tout. Mais du coup, en vrai, j'irais bien dans le manoir. Pas pour faire. On a compris, t'as eu te baiser Dracula là. Non. Bon, Mais c'est une flippette. Par contre, me prenez pas dans votre équipe d'orientation. Je sortirai jamais du manoir. Non, mais avec toi, c'est sûr. Non, mais attends, c'est le manoir de Paris. Qui c'est qui connaît pas sa gauche et sa droite ici? Bah alors, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il s'est perdu une fois pendant la course d'orientation que ça y est. Bah alors, vous avez critiqué, mais t'es perdu pendant une course d'orientation? Ah bon? Elle a appelé le prof et tout. Je suis madame, je suis. On avait appelé une camarade et tout. Je me suis perdu et tout. C'est pas des conneries et tout. Et j'avais une pote avec moi. C'était à... Mais en fait, c'est qu'on avait changé de forêt. Et du coup, nous, on est partis en mode, vas-y, on papote et tout. Mais on n'était pas du tout dans la course, quoi. Et là, on arrive et tout. On fait, putain, on est où? Du coup, on appelle la prof et tout comme on peut. Elle nous fait, bah, vous êtes où? Je lui dis, tu sais, le panneau, là. Elle me fait, bah, je connais pas. Non, mais tu m'étonnes. Non, mais c'est une blague. Alors, je suis à côté d'un arbre. Non, mais surtout qu'elle me fait, attendez, on est dans le bus. Je pourrais trop sortir le cliché des meufs volant GPS. Tu sais, faut pas suivre leur indication. Mais c'est tellement... Ah, tu ne peux pas dire ça. Bon, c'est vrai que moi, Amélie, on peut pas dire ça, Teddy. Tu sais que nous, on avait un prof... Non, mais j'ai pas fini. Laissez-la finir, bon. Elle est dans la forêt, elle est perdue. Et le elle pire, c'est que la prof, elle nous fait, bah vas-y, je vais klaxonner avec le bus et tout, tu vas nous entendre. On n'entend rien, tu vois. Genre, je fais, mais c'est quoi ton truc de merde et tout? Et du coup, en fait, on s'est mis sur la route. T'as parlé comme ça, ta prof? C'est quoi ton truc de merde? Oui, mais au bout d'un j'étais paniquée. Et du coup, genre, on a couru au moins 2 km. Les gens, ils nous ont attendu au moins pendant plus d'un quart d'heure. Et là, ils nous appellent, oui, si vous venez pas, je pars sans vous. Vous n'avez pas le droit, madame. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes obligé de nous attendre. Si, il y a un quota de pertes. Ouais. Mais tu sais que les profs, ils se barraient vraiment sans nous. Bah oui. Normal. C'est carrément dans la forêt. Non, pas normal. Bah aussi, à un moment donné. Ils ont pas le droit. Mais non. Ça arrive avec deux gars de notre classe. Imagine, ils sont trouvés à blairer, quoi. Je veux pas dire, mais moi, à mon époque, quand on faisait la course d'orientation, on s'est fait genre, je suis trop vieux là. En fait, c'est nous qui partaient sans les profs parce qu'ils étaient déjà à la traîne. Vous êtes trop des merdes, je suis désolé. Course d'orientation dans une forêt. Bah, mais non, mais c'est qu'on faisait pas la course d'orientation en fait, c'est qu'on parlait, on parlait, sauf qu'on avançait, mais au bout d'un moment, non, on est parti trop loin. Mais du coup, moi je serais parti sans vous, ouais, à un moment donné, faut arrêter quoi. Mais non, t'as pas quand même, mais si. Mais toi, prof de sport, arrête un petit peu comme aussi. Comme disait Jolan tout à l'heure, où t'es dit, il disait, il y a un pourcentage de pertes, bah ouais. Mais voilà, non, il y a un quota là. Mais Théo, tu pourras jamais être prof de sport, donc ça t'arrivera jamais ce genre de situation. Oui, mais t'as pas besoin d'être prof de sport pour être bon en orientation. Oui, mais tu sais, pour être prof d'orientation, faut que c'est de la logique. Non, c'est de la logique la course d'orientation. Bah oui. Bah, ça sert à rien. 80% de logique et 20% de. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bah, de la logique, parce qu'en fait, t'as une carte et en fait, faut juste t'orienter sur la carte. Ouais, mais attends, mais les cartes, c'est pas la même échelle qu'en vrai. Moi, moi j'essaie de. À chaque fois. Non! Elle faisait des pas sur la carte! Mais non, mais c'est pas drôle. On devrait tourner là déjà. C'est la base d'une carte, tu gardes. Non, parce que moi, je me suis. Tu as fait du surplace là-bas. Moi, j'étais toujours perdu. Bah oui. Du coup. Oui. On n'a pas fait aujourd'hui, c'est l'expression de la semaine. Oui, c'est pas faux. On l'a fait ? Ouais, il est pas trop tard. Alors, rien ne sert de. Non, rien. Non, il n'y a pas besoin de courir pour celle-là. Même s'il faut être quand même rapide, un minimum. Faut être réactif. C'est le GoFio. Comment ? GoFio. GoFio. Alors, ils font des signes. Tu vois qu'on dit réactif ? On dirait qu'ils boivent une bouteille d'alcool, mais sur leur front. Alors, c'est parce qu'ils sont un peu cons. Ils sont un peu teubés, ces gens. Ouais, ils ont pas compris le principe. En fait, le GoFio, c'est simple. Quand quelqu'un rote dans la pièce, et ben en fait, cette personne-là, par exemple, Amélie rote. Je suis désolée, c'est pas féminin. Ah. C'est pas féminin ? T'as dit que tu pouvais faire toute l'alphabet. Voilà, on se met tous la main, en fait, sur la tête. Enfin, elle la commence. Oui, je dois dire GoFio. Et elle dit GoFio. Et du coup, tous ceux qui sont dans la même pièce, qui ont entendu ça et qui sont dans la même pièce, doivent mettre leurs mains aussi sur leur front. Et ça sert à... Non, ils vont tous comme toi, comme des gars. La dernière personne qui ne l'a pas mis se prend un taquet. C'est juste histoire de faire un taquet à quelqu'un. Non, par la roteuse. Par tout le monde ? Par la roteuse ? Par moi ? Non, juste par une personne, on s'en fout. Bah, la personne à côté, la personne carotée. Donc c'est une sorte de jeu qu'on peut faire entre amis. Un jeu qui paye pas de mine. Du coup, fais un test. Le, qui est pas très... qui est pas très... comment dire... Qui vient du Nord. Gracieux, hein. GoFio. Ah ! Voilà. Ouais. Non, c'est pour moi. Vas-y, Jolan. On va tester. Regarde. Oh là là ! Sérieux ? J'ai pris un taquet. Ah ouais, là, t'as dû avoir trop mal, là. Ouais. Ah oui, attends, il souffre, là. Je crois qu'on s'est fait plus mal avec ton son. Non, mais attends, est-ce que Jolan est gentil ? Oui. Non, bon, d'accord, c'est un jeu débile. Ok. Ouais, mais c'est amusant. C'est comme le chabit. C'est drôle. Non, parce que c'est fini, cette mode de... Maintenant, on le fait pas trop, le GoFio. Le GoFio, on l'utilise lors d'un jeu de cartes. Ah, on le fait plus aussi, on l'utilise dans le jeu de cartes, le tarot américain. Qui consiste à... À un moment donné, tu dois te mettre une carte sur le front. Et tout le monde dit GoFio. Ah, aussi. Ouais. Et tu te prends aussi un taquet ? Non, rien à voir, ça reste dans le jeu de cartes. Tu sais, je viens de me faire encore plus mal en tapant ma main. Que toi, il t'a tapé de... En même temps, qui vous a dit que vous tapez plein de fois sur la tête comme ça ? Big bang. On a dit que c'était un jeu de débile. Ça marche trop bien avec eux. Je t'emmerde. Moi, je rate plus parce que je crois que je vais gerber à force. Ah. Non mais ne rote plus. On va écouter de la bise. T'as un petit pété? Et non. Ah, Lionel Cassio. Gofio. On a Lionel Cassio. Help you out. Help you out. Gofio. C'est-à-dire, aidez-moi. Aidez-moi dehors. Oui. Bon. Aidez-moi dehors. De quoi? Juste, c'est pour son jardin. On se dit au revoir. Faut l'aider. Oui, parce que attends, avant de dire au revoir, j'aimerais quand même annoncer ce qui va se passer demain. Ah oui. Et après, t'as senti que tu t'es pris une tatane dans les dents. Ouais, mais j'ai rien senti. Ah ouais. T'en veux une autre? C'est bon. Ah, alors t'as demain, senti quelque chose? De 21h à 23h, il y a Clément et toute son équipe pour 2 heures d'impro théâtral scénarisé, donc avec des débuts de scénario. À nous d'inventer la suite qui va avec. Ça, je vais. C'est ça. Un bout. Voilà. Mercredi. Pardon. Jeudi. Il y aura Passion. Ouais. Avec un nouvel invité interviewé, suivi de Peak Avenger. Spécial Halloween. Spécial. Spécial Halloween. Non, pourquoi ça casse les gosses? Spécial Halloween. Alors, soit en avance, soit en retard. Non, soit on fait de l'actu solide. Elle fait comme ton voilà. Actu insolite. Non, spécial Saint-Valentin. Et quoi, vendredi, sauf. Enfin. Connexion à internet défaillante, il y a Vita Conso et Crypto. Ouais, en vrai, elle a pas de chance. Pourquoi elle a pas de chance? Bah parce que la première fois qu'on on a pas pu lancer Vita Conso. Oui, c'est vrai, il y a une panne d'électricité. Ça fait mal au cœur. Hein. Non, mais on va y arriver dans 3 ans peut-être. La première de Vita Conso vendredi 20h30, 22h et suivie à 22h et jusqu'à 23h de Krypton, émission de décryptage cinématographique. Il est temps d'ailleurs, je crois. Temps d'aller faire dodo. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Voici Help You de Lionel Cassio. Très bonne semaine. Mais tu me couper. Non, mais je te coupe. Allez, pas. À lundi. Des bisous. Bisous. Contrôle X. Je t'ai coupé. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.